much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had the bus on the side. How you did that? How you did that? How you did that, dog? How you did that? Yo, what a mystery I got. A joke, tell me you say 30 years and get like start telling up. How you did that? How you did that? How you did that, dog? How you did that? How you did that, dog? How you did that? How you did that, dog? How you did that? How you did that, dog? How you did that? How you did that, dog? How you did that? A different thing, boy. Crosses, crosses. Where them a say, where them a chat about? On a free paper bun, come a plot now. Anybody chat, get blocked up. Get kicked up, get slapped up. I got them a chat about. On a free paper bun, come a plot. Anybody chat, get blocked. No, everybody a ask how we did that. How we did that? Viré depuis le départ, qu'a sorti moi bien aller tous les jours en vérité. Wow, y'a nous qui aïe là ou péaï. Ou pas qui qu'est à moi, y'a vu mes sentiments en nous. Digio Sound, le DJ officiel de Génération 97, fait gronder les basses sur Trace FM. Végiben, the best. Jalousie en belle jeune femme, belle jeune femme envers tout genre. Si nous qu'est c'est pour life. Tous les jours, tous les jours, c'est là qui était d'ailleurs. Et nous qui flexons. Le Bifor. Pendant une heure, Tijo Sound mixe tes hits préférés sur Trace FM. It's about that time. What time is it? Allez, bon Dieu! Vite, on a qu'une fenêtre de tir de 30 secondes! On s'équipe, les gars! Appuie sur le bouton! Quel bouton? Quel bouton? Il y en a des millions de boutons! C'est parti! C'est nous! Vous êtes quoi, une bande de super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne! Nessie, c'est la brute épaisse. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin... Bref, passons. Sabri, c'est un vrai génie. Et moi, c'est nous, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyane, Génération 97. Je crois que ça y est. On est de retour. On est là. C'est la rentrée. C'est la rentrée. Madagwadayana, une chose est sûre, le soir vous n'avez plus le choix. On est de retour de vacances en pleine forme, même si certains d'entre nous y seraient restés en vacances. Ah oui. Volontiers. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la Génération 97. Hello. C'est parti pour 3 heures de radio libre, 0820-203-200, ça c'est le numéro pour nous joindre. Sinon rendez-vous également sur les réseaux sociaux. Hashtag TraceFM, TraceFM97 aussi sur Snapchat. Comment ça va Nessie? Ça va bien. La forme? Oui. Ça y est? Ça y est quoi? Je sais pas. Je sens que je vais commencer par une connerie dans l'émission. Pas maintenant. Non? Réserve-toi pour qui? Non, mais je sais pas, il y a un truc qui me vient là. Réserve-toi pour quelqu'un d'autre. Je voulais juste te demander si ça y est, t'avais mis le truc en route. Pas encore. Non, pas encore? Non. J'attends que tu t'y mettes. Pourtant, j'ai l'impression qu'elle a passé. Vous parlez de régime là, bien sûr. Je parlais du contraire du régime. Mais parfois, le contraire du régime te donne l'impression qu'il se passe quelque chose. Sauf que tu oses pas poser la question parce que t'as déjà vexé plus d'une personne en lui demandant dis-moi, t'es enceinte? Mister Sabri est là aussi. Yay! Salut, salut! Il nous rejoint, il vient grossir les rangs. C'est le cas de le dire. Ouais. Et il y a Mister Gogo, aka Hugo. Belle bon souhait, toujours. On est là. Mister Keshi est derrière. Le standard commun, à son habitude, ça va. On a l'impression que t'es dans le moteur d'une bagnole, tu sais, ou alors en train de faire de la mécanique, hein, comme d'habitude. On a évidemment les copains qui sont passés nous voir. On a Nina qui est dans le studio. Hello, hello. Nina qui nous a ramené Dada. Dada qui parle pas encore à la radio, tu sais. Elle regarde cette bande de suspects. Elle se dit, celui-là, il m'a déjà arraché un sac dans la rue. Je l'ai déjà vu quelque part. Ouais, bah tu vois, voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Elle est sensible. Y'a Yoshi qui est passé nous voir, ça va? Yo. Ça y est, t'as le bac? Ouais! Un pop-up bonbon! Ouais! On a Chocolat aussi dans les studios, on a plein de stagiaires cette année. Et on a Mister Stigio derrière les platines. Comment ça va, Stigio? Y'a tout le monde. Non, parle pas, mix, mec. Non, mix, mec. Ça va bien, t'as passé de bonnes vacances? Ouais, tranquillement. Putain, tu nous as ambiancé sur le before là. Franchement, j'ai pas compris, je me suis dit, putain, on est dimanche ou quoi? Tu sais, je me suis dit, qu'est-ce que Fly fout à la radio quoi? Je me suis dit, mais putain, c'est pas possible, y'a du mix comme ça, c'était très très cool, mec. À un moment, je me suis senti un petit peu partir parce que j'ai fermé les yeux sur une session où ça a whiné un petit peu. J'ai perdu un peu le contrôle de la bagnole dans le virage, j'ai un peu flippé. Je voudrais juste qu'on prévienne éventuellement les gens qui sont sensibles dans la semaine. Tu sais, souvent il y a des embouteillages pour te ralentir, pour éviter de taper une pointe en fait. Sauf que maintenant avec Tijo, t'as des occasions de fermer les yeux même quand t'es derrière ton volant. Et ça, c'est pas cool. Ça vous a pas fait cet effet là, Hugo? Toi tu sais. Pas du tout, moi j'étais dans le studio. Ouais, toi tu prends pas de risque quoi. Il y a un bruit dans ce mix, j'ai cru que c'était ma voiture qui faisait ça. Donc je me suis arrêté. Le bruit du bateau là. Comme une corde de. Je sais pas. Tu sais, elle me fait penser à ma grand-mère. Ma grand-mère, quand elle entend, tu sais, le scratch, elle dit, ah, y a des oiseaux. Y a des oiseaux pas loin, ils sont en train de construire un nid. On est de retour, c'est la rentrée sur Trace. Bonsoir. Ouais. Ah, ça c'est bon ça. C'est le truc de. Ta voiture elle fait un bruit comme ça, j'aime autant te dire que. Il vaut mieux que tu passes. Le bruit était plus étouffé. Attention, analyste. C'est professionnel. Quoi, en fait, ce bruit là c'est quoi? C'est un lambi. Ouais, c'est ça, ouais. Et toi, Nessie, d'habitude, t'as ces bruits-là dans ta voiture. Non, mais ça m'a alarmé. Un bruit de lambi dans le moteur, n'hésitez pas. Sabri et Mécano à votre disposition. Bref, on démarre l'émission évidemment au programme. Il y a pas mal de surprises ce soir qui vous attendent. Il y a également un nouveau membre officiel qui nous rejoint pour cette nouvelle saison dans Génération 9-7. J'ai nommé. Je le dis pas. On peut faire peut-être un indice. Je suis pas sûr. Je le fais pas bien. Hein. Vas-y. La preuve en est que vous allez découvrir que c'est vraiment lui qui est avec nous et qui nous rejoint ce soir dans Génération 9-7. Attention! Il est celui qui a enregistré le plus grand nombre de buzz pendant toutes les vacances. Top, top, top, je suis. 4 à la suite, on y va, c'est parti. Hugo. Kalash! Pourquoi tu dis son nom? J'ai dit on est. Tu dis Kevin, tu vois, tu fais un indice. Tu peux lui apprendre le c'est qui s'il te plaît. D'ici là on a un DJ pour vous ambiancer, pour réclamer vos titres, y a rien de plus simple. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820 203 200, on lâche le son, on libère le talk, la radio est libre. Et on va prendre de vos nouvelles d'ailleurs pour savoir comment vos vacances se sont passées. Quoique les vacances c'est déjà bien un peu loin, on s'accroche à quelques souvenirs, mais là c'est bel et bien la rentrée. Alors comment elle se passe cette rentrée, Sabri? Putain, il a lancé un sondage sur le web, ça m'a ébranlé. Ébranlé. Oui. Ça veut dire que ça m'a secoué en fait. Ah d'accord. C'est à peu près la même chose hein, d'ailleurs. Tu le conjugues comme tu veux ce verbe. Quel que soit à quoi il te fasse penser, mec. On voulait savoir de quel lycée nous viendrait la première sextape. Alors déjà, je tiens à me désolidariser totalement, complètement de cette allocution là, hein, de ce truc qu'il vient de dire. Hein. Parce qu'en fait, en réalité, c'est lui qui veut savoir. Il veut savoir quel est le lycée qui va lâcher la première sextape de la rentrée. Voilà, en espérant que ce soit pas les collégiens qui passent devant. Oh. Ça dépend, tu poses la question dans quel département? Bah les trois départements, qu'est-ce que tu crois? Ah, on a une Guyanaise aussi avec nous là, ça y est, représente là, tiens. Ah, tiens, salut, ça te fait Moblet 2, ça va bien? Tranquille? Voilà. Bon, ok. Hashtag G97, hashtag TraceFM, vous réclamez vos titres, on va lâcher le son avec Mister Tijo, on est content de vous retrouver. Before. Pendant une heure, Tijo s'en mixe tes hits préférés sur TraceFM. Ouais, sauf que là c'est plus le before mon pote, hein. Là c'est bon, là t'es dedans, ok? Là t'es after le before, donc t'es dans Génération 97, ok mec? T'es dans le pendant. On va démarrer avec un petit Bambi, tiens, ça va faire plaisir à Yana, Mada, Guadayana, où que vous soyez, la radio est libre et ça se passe là, ici, sur Trace. La gueule. Bambi, pour pas moller l'amour qu'a flasqué mon girl. Donc je savais qu'il y a nos car around the world. Pour pas moller l'amour qu'a flasqué mon girl. Caribbean girl, à nos car like the world. Fresh, quand t'as mains un peu. Bad girl, cabaye au mal d'aide. Dis qu'à mal parler, mais nous pièces pour l'air. Et si on les suspects, qu'on représente girl. Yo, mon nez on point, mon shape on point. Chaque côté, mon passé, mon toujours on point. La mobilité que mon gang est biché on point. Caribbean girl, à nos car around the town. Chaque côté, mon passé, mon toujours gangster. Bambi, à sa qui a pété les têtes non-stop. Mon toujours qu'à venir que des different subs. Chaque son, mon cas sorti, cabaye different tap. Non, faut qui? Faut pas moller la mon cas flasque, mon girl. Je savais qu'il y a nos car around the world. Faut pas mouler l'homme au caflas. Qu'est mon girl, Caribbean girl. A nos car like the world. So much fresh, so much temper. So much things I did not say. And some foot more than the men who chase from lay. Can you wait on that beach there? Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Broke it, set it, broke it, set it, broke it, set it, broke it, set it. Back shot, somehow you got extra, forget me not. When it's sweet, yo, what you say? Fever, buy your punani. Point see me, baby, everything crisp. My good love make you turn and twist. Fever, buy your punani. Point see me, baby, everything crisp. My good love make you turn and twist. When you look back on you, I mean that. Doggy style, puppy whisper. My cocky so hot, it the fire fever. If you can't broke it off, hasta la vista. Girl, affi, ava, pussy, power. Grab it, lego, queen, lower. Godo, lover, godo, goba. Me say, girl, affi, wind up, wind up. I'm a girl, make me like a wind up. Ooh, wind up, wind up. It's a general crew, you call that cup. Me yalla when me say me yalla wine. Me yalla when me say me yalla when me rip it. Me yalla when me say me yalla wine. It's a general crew, you call that cup. Bébé en passou, en si c'est qu'à garder en passou. Oula ka amise comme en plasou. Dis-moi que ça bien réel en pas fou. Qu'a fait des calces mouvements comme un sou. Ou ni intelligence en calbassou. Ou pas qu'a fait une belle corps en bas pour sou. Mi c'est bisou, bah ou en bouteille. En vitale bas, pas de mots en gumen, femme celle panitale. Même tes goalimes, en regagaillant j'ai plongé. Chaque femme n'y offre, il suffit que claquer d'une salimette. En ayant trop de pression, que j'attends tes vies. J'avais moi tes trois confessions, inattendu. Rationnel en nous, j'ai changé. Chaque femme qu'a voyé, qu'a pète la raison. Nous avons commencé bon, j'ai sauvant. J'ai dit moi y'a mes mouvements, toujours premier d'ouvant. Les rangs qu'a tiré gros, c'est y'a marqué y'a bon bout de chance. En ayant bout de sens, mais si y'a moi c'est vrai qu'on aille bouger y'a tout sens. Si chaque fois j'achète, j'entends fond que y'a moins chargé, Richard, yeah. Aïe, ma gâteau, c'est y'en qui l'est qui n'en va moins de ce. Tout, somme, gâte, de l'eau, what, somme, what, ou non. Aïe, ma gâteau, n'en fait une soirée là ensemble. Donc quand j'en parle, Richard, yeah. Nous j'afflex toute la journée. Et tout à l'aise, j'ou caille ouvert. Nous j'en viens tout mail, yeah. Bon moment, nous c'est la route. J'ai poussé à bout, côté avec un foot et mon consensé à ma bout. Allez, joker et à tout, à peu pas qu'elle s'y la touche. Tout n'y en selfie, alors on café, vie à tout. À peu pas rentrer près d'où, à pas capé tes pondouilles. On n'a pas les bas, on va même voir les sympathies en couille. Baby, just me and you, c'est écrit qu'on m'y elle douce. Donc y'a les lèvres, les soleils, on met l'amour. Cha, cha, cha, yeah. Cha, cha, cha, yeah. Girl, come flip it like a flippagram, flip it like a flippagram. Make your bumper flip like a flippagram, flip it like a flippagram, flip it like a flippagram. Y'all wind up on my body, girl. Why like it's a carnival? shot four. After 9 minutes, she come back with more. She take off the shoes and pound the dance floor. Then she start to broke out like a sore. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful and she pure. Tell her you me a door, so wind up on my body, girl. Wind up like a carnival. Girl, me love the way you wine for me. Generation 97. Côté ça mon gars chat, t'es mon flat, real bad man, pas qu'à check, bombo clat, pas juste Babylone, pas juste politician, pas ça yo même kabay gun flat, à cause d'une bullet, bullet, bullet, bullet, boubou, ghetto you déjà die, déjà die, moto qui bullet, bullet, bullet, bullet, hop mama, t'es jaga cry, à cause d'une bullet, bullet, bullet, bullet, boubou, ghetto you qui j'adore, à cause d'une bullet, bullet, bullet, bullet, hop mama, qui jaga cry. Passa par un tune, café mundo vin fou en plus mon pagin web, yes, gon tire tout seul, tout seul, John Cell, Luca foutez dans sol, chabaron goutu bon tenant les dérèves instrumentales. Bodem se, boom bye bye, déjà on t'aime pas, j'ai chat, pas boy, ça pas joué en momental. Welcome to the salle, le ragamuffin dans la mais pour chaque son boy, j'ai une balle KLHD, yeah, yeah, interdit se mélanger, si on dit trop de yoga. Even when I'm away, OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. C'est l'une des grandes nouveautés de cette rentrée dans Génération 97. On n'attend pas le week-end pour se sentir en week-end. Dès lundi, on y va. C'est on annonce la couleur. Le DJ Tijo Sound vous fait le before, vous ambiance juste avant Génération 97. Et évidemment, jusqu'au fur et à mesure, au fil des heures, on libère encore plus la parole. On se lâche encore plus dans le délire, évidemment, tous les soirs. Les traceurs. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Somebody say Oulo. Le soir, no limit. Il n'y a pas de limite. Bon, vous avez passé de bonnes vacances ou pas? Ah oui. Ouais. Mais il faut qu'elle continue. Je sais pas ce que tu veux dire par là. J'aurais voulu qu'elle continue. Ah, mais tu sais que c'est pas possible. Oui, mais bon, on peut toujours essayer, tu vois. On peut toujours essayer. Je te propose un peu quelques secondes. Bah, si tu veux, tu peux essayer. Ouais, tu peux essayer de partir en vacances. Ah oui, oui. Maintenant, pour que tu sois mieux, c'est ça? Non. Au contraire, tu sais quoi? Ça m'a fait l'effet. Cet effet-là, en tout cas, les vacances. Je suis content de revoir certains d'entre vous. Il y en a d'autres, par contre, même 2 mois. C'est pas assez. Ça n'a pas suffi. Mais il y en a. Ça m'a fait super plaisir, quoi. Il y a des gens que je suis content de retrouver dans l'équipe également. Hugo. Yo. Ça a été. Ouais, ça a été. Tu rentres en CM1, mon voyage cette année. Ah, tu parles des vacances, toi. Ouais, des vacances. Ouais, c'est sauf ton voyage. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Antoine? Alors, je vais vous expliquer un truc. Ça dure longtemps ou bien? Non, ça dure pas longtemps. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor. Bon, c'était quoi? Alors, j'étais censé partir le mardi, je crois, mais mon vol a été annulé. Du coup, je suis parti le mercredi, mais dans un avion espagnol low cost. Avec des hôtesses qui parlaient même pas anglais, ni le pilote, ni rien du tout. Forcément grand radin, c'est normal. Mais... le mec qui paye jamais à bouffer le midi, tu sais, il est toujours là en train de te dire, tu viens manger avec moi ou pas? Tu te dis, putain, à un moment ou à un autre, il va te glisser un ticket restaurant, il va t'inviter. Non, jusqu'à la fin, à la dernière seconde, il attend le dernier moment pour sortir son porte-monnaie en espérant que tu l'invites. Non, et alors t'as eu peur ou pas? Un petit peu, quoi. Moi, je pense que faut arrêter de flipper sur les compagnies low cost. Ça permet de voyager, de bouger, de faire des trucs. Oui, mais quand tu as que 30 centimètres pour respirer et que la personne devant toi s'incline. Ouais, mais quand chaud. Tu n'as que 30 centimes pour voyager. Il faut que tu acceptes certains désagréments. Je dis ça, je dis rien. Nina, t'étais où pendant les vacances? Un peu ici, un peu là. Maman. Tu dois de l'argent au fisc. La meuf en mode de... Non, mais je vais pas comprendre. Bonsoir, je voulais témoigner sur le plateau de cette émission. Je suis masqué pour ne pas qu'on puisse me reconnaître. Bonsoir, Dani. Non, mais sans jeu de mots, je vais pas qu'on me trace. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Bon, il y en a d'autres qui ont passé des bonnes vacances là. Je sais pas, je m'attendais à quelque chose d'un peu exotique. Toi, t'es parti en métropole sur un avion espagnol. J'avoue, c'est exotique le voyage. Ah, oui. Bon, t'as été en métropole quoi. T'as été dans l'Hexagone quoi. C'est. Pareil que t'as plongé dans un trou. Tu nous racontes? Tu veux que je te dise lequel? Le grand trou. Oui, bah, énorme. Il a laissé passer tellement de gens avant moi. Non, j'ai été dans un pays d'Amérique centrale qui s'appelle le Belize. C'est rigolo parce que quand je dis ça aux gens, les gens ils connaissent pas en fait. Ils ont jamais vu, jamais entendu. À part ce petit truc un peu bizarre, cet énorme trou bleu dans lequel il y a des requins. Et j'ai fait ça, c'était assez sympa. Mais non, mais y a personne qui a été au Sainte pendant les vacances, personne qui marie pas cela. Exotique. Moi, j'étais à Saint-Martin pendant le mois de Saint-Martin. Ouais, justement pendant la période où il y avait la Kimcha Beach, je crois. La Kimcha Beach, c'est le nom d'une plage, ouais. Ben, elle y est toute l'année en fait. Il y avait un événement. C'est le nom d'un plage. Des fois elle part en vacances, hein, elle se dit putain j'en ai marre de la plage, je sais pas pourquoi j'irai pas à New York moi aussi, hein, voilà, elle se met en plein Manhattan. En voyageant par des compagnies low cost aussi. Ouais, c'est vrai. Non. La plage je parle. Je rebondissais sur ce que tu disais. On n'a pas encore choisi le jingle de cette année quand la blague est pas terrible. Mais ça va venir. Bougez pas. Hashtag G97, hashtag Trace FM 0820 203 200. Ça, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. Premier auditeur de la soirée, il s'appelle comment? Charim. Ah, c'est... Ah oui, allô, oui. Bonsoir Charim. Salut Charim. Charim avec quoi? Et les gars, ne profitez pas que j'ai pas encore identifié la musique qu'on va utiliser pour les blagues à la con pour en lâcher tout votre sac. Putain, vous m'avez manqué les cons. Vous m'avez trop manqué. Bref, Charim, t'es là pour quoi mec? Ah oui, pas de problème. Ok, tu veux qu'on fasse les capteurs de recul? Vas-y, recule encore, c'est bon, le capteur fait le bon bruit. Recule encore, c'est bon, t'as la place. Ça va. Ok, c'est bon. T'es garé? Oui, c'est bon. Pas de problème. Ok, bon ben, sois le bienvenu dans Génération 97. Mec, comment se passe ta rentrée? Ok. Par contre, ton téléphone portable ou alors le réseau que tu utilises est encore en vacances. Hein. Attends, j'ai pas bien suivi là. C'est pas grave. Cette phrase-là et cette vanne va t'arriver dans 30 secondes environ. Tu la recevras par SMS. Alors Charim, t'es là pour quoi mec? T'as 23 ans, t'es à Fort-de-France. C'est ce que j'ai cru comprendre, j'ai fait ma petite enquête. Hugo m'a aidé. Non, j'ai pas dit de réalité. Moi c'est du belle scantelle. Et tu vois, ça c'est le truc qui m'a pas manqué en fait. C'est le truc, je me suis dit, je pars en vacances, tu sais, tout va, on va faire un bond dans le futur, dans la technologie et tout. Et le mec, je viens de lui dire quand même, bon, t'es là pour quoi? Le mec, il me répond, non, pas trop Johnny Hallyday. Moi, plutôt Vibes Cartel. T'es là pour de la musique, tu fais de la musique, c'est ça, mon frère? Oui, voilà, donc je suis là pour la musique, donc j'ai fait quelques morceaux aussi, donc je sais pas si j'ai un peu du volume de moi, mais voilà, j'ai un petit peu de faire mes débuts, quoi. D'accord, ok. Donc l'idée, c'est d'attirer un peu l'attention sur toi et de voir un petit peu ce qu'on en pense. Tu nous demandes notre avis et tu demandes l'avis de tous les auditeurs. Ok, pas de soucis. Ouais, pas de soucis, pas de problème à ta disposition. Et sinon, il y a peut-être une carrière qui va démarrer là ce soir. Ah bon? Mais c'est pas toi, je parlais de... Mais c'est peut-être toi. Non, je rigole, c'est peut-être toi, on sait jamais, ok? On sait jamais. Faut pas se fier à un téléphone, à un entretien et tout. C'est jamais la première impression qui est la bonne, parfois. Tu bouges pas, tu raccroches pas, mec, dans un petit moment, tu vas... Donc tu lâches, tu poses sur du dancehall, en fait. J'ai pas bien compris ce que tu as dit sur la dancehall. Bah écoute, on va t'écouter chanter, ça sera mieux. A tout à l'heure, mec. Dans un petit instant, Kalash nous rejoint. Et les plus grands fans de Kalash également, bah tiens, reste, il te donnera peut-être probablement d'ailleurs son avis sur ton discutable talent. Les plus grands fans de Kalash pourront la voir désormais tous les soirs dans Génération 9-7. Écoutez. Allô, qui sont t'as dit là? C'est qui? C'est qui, je t'ai demandé? Vous aussi, elle vous a trotté dans la tête cette chanson pendant toutes les vacances. Putain, mais avec ça. Vous aussi, vous la connaissez par cœur? Eh ben, figurez-vous qu'il y a des gens qui la découvrent encore. Restez avec nous, Kalash, tout à l'heure, passons... comment on a appelé ça? Le Kalash Call. Ah, surtout pas... Putain, waouh. Pas tous en même temps. On était tous partis sur le Hey Baby Allo, pourquoi tous? Ah oui, c'est Hey Baby Allo le nom. Ah, bah, oui. Ok, d'accord, ok, ça marche. On fait un Hey Baby Allo, ça sera juste après Rihanna et Tijo Sound. Derrière les platines, vous réclamez vos sons, hashtag G97, hashtag Trace. Trace FM et Soulground présente Virus Riley en live. Le représentant de la nouvelle génération du reggae sera le 30 septembre au domaine de l'Oasis pour un concert d'exception pour la première fois en Martinique avec tous ses musiciens. Virus Riley reprendra ses plus gros hits. Le 30 septembre, Virus Riley au domaine de l'Oasis. Une soirée Roots and Chic by Soulground avec Orange, Air Caraïbes, Canal Plus et Trace. Billets en vente sur bisous.com et dans les boutiques I Love Mobile. Infoline 0696 53 33 83. Tu as le bac? Tu es étudiant ou jeune diplômé? Et tu as un projet de création ou de reprise d'entreprise? Quel que soit ton âge, inscris-toi au dispositif Pépite obligatoirement sur le site www.pépite-france.fr. En passant par Pépite, tu bénéficieras d'une formation et d'un accompagnement personnalisé à la création d'entreprise tout en profitant des avantages du statut d'étudiant entrepreneur. Pour plus d'infos, envoie un mail à pépite-ag@univ-ag.fr ou appelle au 0596 55 46 32. N'hésite pas à te lancer dans l'aventure et à remplir un dossier de candidature si tu as un projet qui te tient à cœur de réaliser. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. DigiLife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrée. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Reseller est à même de vous proposer. Rendez-vous dans les magasins DigiLife, centre commercial Genipa du Causse ou la Jambette au Lamentin et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à condition. Trace FM, Trace Génération 97. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. 0820 203 200. Merde. 0820 203 200. Bah si, c'est ça. Génération 97. Ta radio va péter un câble. Hashtag G97, hashtag Trace FM, c'est Génération 97 dans les tympans. C'est du live, dans le mix, dans le talk. On vous attend. 0820 203 200. I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the low for a faded fuck. On some faded love. Shit, what the fuck you complaining for? Feeling jaded up. Used to trip off that shit I was kicking to you. Had some fun on the run, though I'll give it to you. But baby, don't get it twisted. You was just another nigga on the hit list. Tryna fix any issues with a bad bitch. Didn't they tell you that I was a savage? Fuck your white horse in a carriage. But you never could imagine. Never thought you could have it. You needed me. ain't here to confess. But baby, who you? Ouè pou ne ye gen a mwen, an fe yen ki a tèt an mwen. Yo di mwen fou an ke a fonte mwen, men sa ki fèt bel peke chanje pou a yen. Lese vi an wan men a la chans, e vie l'esprit ke guide mwen. Ou krashe an men la ki ou leve ou alo ou koute an fer an mwen. Pa fè semblan ou wende mwen, se buta ou se de wine mwen. Verite pa ka rete kache, men sa fèb sel bonte ki ke guide mwen. Mwen an ve pa, an ve pa, an ve pa lese ba yo, mwen an ve para yo. Et en tout seul, en tout seul, en tout seul, en moins ils ont mis en bien parano. Réussite à créer jalousie, ou fait pour pas prier, et pas ça bien nègre. Papa dit moi sous tomber, vous levez ou sortir à nous. Génération 9-7. En fait, y'a qui a tête en main. Yo dis moi, faut entrer à fonter moi, mais ça qui fait belle péché, changer pour rien. Mouais pour les équerres en main. En fait, y'a qui a tête en main. Yo dis moi, faut entrer à fonter moi, mais ça qui fait belle péché, changer pour rien. En plus, là où tu as tes cadences, allez, yo pas ça, ça pour faire des moins. Ça va, c'est que yo tout c'est bon, moi. Mais à la mort, bah, yo, bon, moi. Même pour qu'il autre, pour un million, ça m'y en péché, j'ai pas de frère en moi. Y'a qui l'a expliqué sous ça, des billets. Big up Tijo Son, Big Bad DJ. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaque est taille. J'sais pas pourquoi j'déraille. Perdre lunettes sur le sel. Millions de vues en 24 heures. Mon frigo n'a plus peur. Petit frère change de père. Un clip on les met en sueur. Et lendemain dans le bed, t'entends du PNL. T'entends du PNL. Dans le ou dans ville on navigue. La jungle elle s'envoie ravie. Et j'ai mes affaires. Du sucre dans ma bouche amère. La mif sous un soleil plein. Tu touches, on touche le salaire. Il faut qu'on fait ce qu'on peut. Toi reste en chien, toi reste en chienne. L'enjeu traverse le ciel. On voyage. J'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaque est taille. J'sais pas pourquoi j'déraille. I got two. Plug and one for the load. I got two phones, one for the beaches and one for the dough. Think I need two more. Lamp poppin', I'm ring, ring, ringin'. Count money while it ring, ring, ringin'. Trap jumpin', I'm ring, ring, ringin'. I got two phones, one for the plug and one for the load. I got two phones, one for the beaches and one for the dough. Think I need two more. Lamp poppin', I'm ring, ring, ringin'. Count money while it ring, ring, ringin'. Trap jumpin', I'm ring, ring, ringin'. Button start the foreign, oh my god, I'm gorgeous. I just put the key inside my pocket pocket, might not get to see it. This a new Ferrari, man in the mirror. How you choose to bother someone, stay to calling. I don't feel like talking, everything could get returned the way I bought it. Phone be interrupting me while I'm recording. Phone be making women feel they unimportant. Call my doggy, say it's all the way retarded. Keep the all cause I am not using the form. In kitchen, I just finished up a new perform. Hater wish you well. I got clientele. Foreign in Miami, pack look like candy, bit look like brandy. I don't want your girl, but I left her wet like sandy. Pull up all white, got them thinking that I'm Andy. That was taking me for granted, now I'm flying no landing. Run it up, trap meat in my pocket. How they took off to the moon, fair God. Cut it, cut it, cut it, cut it, cut it. cut it, cut it, cut it, cut it. Them bricks is way too high, you need to cut it. Your price is way too high, you need to cut it. Génération 97. Cut it, cut it, cut it, cut it, cut it, cut it. Them bricks is way too high, you need to cut it. Your price is way too high, you need to cut it. Running through bands on the regular, hitting my plug on the celly. Tell my expect that I'm solid. I'ma let we do it now. Keep the receipt on my side, my side. I'ma go fight me a fight. And I'm feeling nice, but the path that I chose comes with battles to fight. As long as I'm living, my future is shaping, and where I am heading, got no time for problems. Only with the generation of set. À Grosilet, en train de se trémousser du côté de Raisin Clair. Old Dane, je dis ça, je dis rien. Ah ouais, ouais, ouais, tu es ceux-là, là. Ouais, ceux-là, les mains en l'air. Et puis le maillot par terre. On est de retour dans Génération 97. On a un DJ à notre disposition toute la semaine. Il joue tous les sons que vous réclamez. Hashtag G97, hashtag Trace FM 0820 203. On revient dans un instant avec du discutable talent et du canular. Pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, pistou, p mauvais. Tu fais quoi, t'es quitté ou y'a que ton ingé qui te connaît. J'suis béni, béni, papa m'a dit tu seras calache. J'ai des ennemis, ennemis, autour de moi ça sent la rage. Mille et une raisons de les terrasser. J'écris ce qui t'a effacé. J'suis tellement vrai que je le faux. Et que tu chantes faux surtout. Tellement vrai que je te dis que tu chantes faux. Ouais. Hashtag G97, hashtag Trace FM, merci d'être avec nous. Dans la génération 97, la radio est libre, sur le mix, sur le talk. Quel que soit ce que vous ayez envie de faire pour faire déjanter la bande FM, faire exploser Twitter, vous débarquez 0820 203 200 avec toute la team, évidemment, au rendez-vous. Somebody say oula. Génération 97, Guadeloupe, Martinique, Guyane, 100% radio libre, tous les soirs sur Trace FM. Ouais, on n'est pas là que pour l'amusement, mec. Tu vas nous mettre du son, du conscience, mec. Ok, non, pas le break off your ass, pas celui-là. Quand je dis conscience, c'est conscient, tu vois. Tu vas nous mettre de la musique à texte, de la musique à message, ok, tout à l'heure, s'il te plaît. C'est le quart d'heure politique. C'est mieux quand son micro est éteint. Je trouve ça plus fluide. Réponds en mix, frère. Je sais pas. Ça va, Nessy? Oui. Ah oui, je viens d'arriver dans l'émission. Il y a des breaking news ce soir? Bien sûr. Yes, on va parler de quoi? On va parler de Maître Gims. On va parler de Zouk aussi. Waouh. Mm-hmm. Ça, c'est tout un programme. Oui. Tout un programme. Qu'est-ce qu'on rate à la télévision? 0820 203 200. Ça va, Hugo? Oui, ça va. Et toi? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire le talent. Yes, on a du This is the Boss qui débarque dans la radio, il s'appelle Charim. Dans un petit instant, vous allez découvrir également Kalash à nos côtés pour cette nouvelle saison, d'ailleurs pour la rentrée de Génération 97. Kalash, il appelle ses fans, mais pas que ses fans, et à n'importe quel moment. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade de Kalash, qui aimerait trop lui parler, on a la solution. Vous avez tous cette chanson dans la tête. On a l'impression que tout le monde la connaît, pourtant certains ne la reconnaissent pas. Allô ? Hey baby, allô ? Ils sont à dire là, c'est qui ? C'est qui veut te demander? Des nouveaux essais de Hey Baby Allo tout à l'heure avec Kalash dans la génération 97 dans la Trace Radio. 0820 203 200. D'ici là, Charim, c'est ton tour. Merci de ta patience, mec. Eh oui, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, c'est pas... Allez. Hey mec, où est-ce que t'as déjà vu qu'on parle sur un jingle? On parle pas sur un jingle. Jamais. On parle pas sur un jingle. Le jingle, il est là pour juste donner du grade parfois à la personne qui va passer derrière le jingle. Et puis parfois, le jingle, franchement, ne peut rien y faire. C'est comme ça. Disrespect trop psychologique pour lui, non, il a pas compris. On cherche en tout cas en toi peut-être un boss. Tu fais du dancehall, mon frère. Quel est ton blaze? Moi, c'est Tigette, mon blaze. C'est Tigette? Oui, Tigette. T-I-Y-V-I-E-T. Écoute, Hugo, il me fait non, c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Mais en même temps, si tu sais comment il s'appelle, vas-y, donne-moi son prénom, quoi. Tigette, c'est Charim. Moi, j'ai écrit Charim dans la base de données. Ah, d'accord. Dans la base de données? Mais tu travailles à Gogol. C'est Charim, je m'appelle, mais mon nom d'artiste, c'est Tigette. Attends, excuse-moi deux petites secondes. On est en train de chercher ton son parce que. On va l'écouter, frangin. On va l'écouter. L'idée, c'est que ça dure 3 minutes 24. Tu m'entends bien? Merde, je vais prier, attends, baissez le mien. Ouais, je t'en prie, deux. Allô? Oui, allô? Hey baby, allô? Tu m'entends? Allô? Oui, c'est bon, j'entends. Ça va? Oui, ça va. Ok, bon, cool. Charim, tu chantes un morceau qui s'appelle comment? Le titre, il s'appelle comment? C'est quoi la chanson? Il s'appelle Courage. Bon, laisse tomber, on va l'écouter. Parce que le courage, il en faut, là. Ah, putain, tu parles le réseau pourri. J'avais oublié. Il a dit courage. Alors attention. Il a pas dit coulage. Non, courage. Courage. Ça s'appelle courage. Le titre c'est ça, c'est courage. Mm-hmm. Ok. Voilà, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bien ça, c'est d'accord, bien ça. D'accord, ok, ça marche. Et sinon tu nous appelles de quelle commune? Je vous appelle de Fort-de-France, je suis de Dinan. Je vous appelle de Fort-de-France, je suis de Lyon. Merci. Il a pas dit je suis de Lyon. Non. Demande-lui s'il a une petite copine en réseau pourri, s'il te plaît. Est-ce que tu veux une petite copine? Non, je ne sais pas. Il n'a pas de copine. Nessie, boss, boss. Bon, on va faire des petits coucou. On va écouter ton titre. Bouge pas, Charim. Bouge pas, bouge pas. On va faire un petit coucou à Djibril qui est avec nous, à Alan qui nous rejoint. Il parie sur Shellshare Technique pour la première sextape. On a Andrea également qui nous envoie un petit tweet en nous disant qu'elle est persuadée que c'est J-Sac. Il se passe jamais rien, J-Sac, c'est pas possible. Ce sera pas la première sextape. J-Sac, en fait, ils sont tellement bien situés qu'ils peuvent aller à Bois-Jolan juste à côté. Donc ça sera pas une sextape de J-Sac, ça sera une sextape de Bois-Jolan. La plage à côté, Yoshi, toi qui t'y connais en plage. Un petit coucou à Chopinette 97.1. On va faire des coucous à Loulouche aussi, à Créma qui nous dit carrément, les gars, en attendant votre retour, j'écoutais tous les jours les avis d'Upsec pour savoir si vous étiez pas passé ou si vous aviez pas survécu aux vacances, toi. Dorémy, un petit coucou, Little Mum aussi, hashtag G97, hashtag Trace FM, un petit coucou à Speed Spider. On écoute Charim, vous dites ce que vous en pensez les traceurs, hashtag G97, hashtag Trace FM. Voici Courage. Je ne sais pas si c'est pour vous donner du courage qu'il l'a appelé comme ça, mais tu dis ce que t'en penses, franchement, sans faux semblant. Yeah man, t'es viette. Big up Studio Pen. Une fois. Adilan Boudou. Gardez-moi, est-ce que moi dans bon état? Il dit moi tout mon ni. Il est chez Béyan Béretta, moi ça ça m'a gardé. Et qui changé sans la vie, acharné comme moi pour faire yo suivre ça m'a gardé. Tirez bouga en la ria, et dire que mon dieu la vie en son carrière. Ah ah, c'est ça qu'a fait un pays, pour les rives Miami, pour son pari cause de l'IA. Ouais, côté qui belle, conflit, glycéria. Notamment, nous gardez courage, nous on ouais bloc les qui n'y couraille. Délé, nous kawaii, ni nous so high. Où ça? Nous dress les cas et caille, notamment d'où garder courage. Nous aimons le glow clair qui n'y coraille. Délai, nous kawaii ni nous so high. Vous savez, nous dress les cas et caille. Passe, yo dit, t'as la qu'à exprimer. Ça y qu'a ressenti, j'ai que je dis, t'y viens qu'à résonner pour you. Pas bandit, faut n'aimer actuellement sur carrément qu'à mentir. Les mandis bon son finira. Si brin Colombie, force bas les amis. Ah, ancien dîmé, pas rester là qu'à conni. Bagay contre tout monde money. Oni, ah ah, mais parti qu'on ennuie, attends. Longtemps, nous gardons courage. Nous aimons le bloc clair qui n'y coraille. Délai, nous kawaii, ni nous so high. Où ça, nous dress les cas et cailles. Longtemps, nous gardons courage. Nous aimons le bloc clair qui n'y coraille. Il fait son discutable talent, il s'appelle Charim. T'en penses quoi? Où que tu sois, Madame Guadayana, tu donnes ton avis. C'est la rentrée de la G97 et lui, de l'avenir, il en a. C'est toi qui décides, c'est toi qui dis. Yéto les risques qu'on alliage, mais tout transmettre qu'il y a dans éco. Longtemps, manque à parler d'éco. Logique, avec pays à panique, économie. Les veto, pour moi c'est pio veto. Faut ça dans si t'as dans yéto les risques qu'on alliage, mais tout transmettre qu'il y a dans éco. Longtemps, manque à parler d'éco. Logique, avec pays à panique, économie. Gardez-moi, est-ce que moi y'a dans bon état? Il dit moi tout le monde, il est tient bien, bérita. Moi ça, ça manque à dire. Et qui changé sans la vie à chanter comme un coup fait yo suivre ça manque à dire. Tirez bouga en la ria et dire que mon cœur va la vie à son carrière. Ah ah, c'est ça qu'a fait un pays à où les rives Miami à où son pain est cause de l'IA. Où un côté qui belle et conflit glycéria. Longtemps, nous gardons courage. Nous aimons le bloc clair qui n'y coraille. Délé, nous kawaii ni nous so high. Où ça, nous dress les cas et caille. Longtemps, nous gardons courage. Nous aimons le bloc clair qui n'y coraille. Délé, nous savons, nous dress les cas et cas. Qui ça m'a destiné, faut que moi n'y en destination. T'as la besoin bien respirer, donc il n'y en inspiration. Et la Martinique, il a 23 ans. Quand il s'appelle encore Charim à Cathy Jette. Si vous aimez, vous dites ce que vous en pensez. On vous laisse un petit temps, le temps de réagir sur Twitter, hashtag G97, hashtag TraceFM. Vous débarquez également en direct au 0820-203-200. On débrief dans un instant. Il y a des juges qui ont des trucs à dire dans l'émission ou pas? Ouais. Oui, on a des choses à dire. Des trucs négatifs et tout? Passons quoi. Genre, on va le faire pleurer. Hein, Charim? Bouge pas. Reste là, patiemment. Charim, il y a 2-3 personnes qui apprécient déjà. En tout cas, c'est le cas de Wendy. La Dylan Boudoum, tu vois, mais par contre, je ne comprends pas. Ces gens qui disent, c'est pas grave, ça peut être de la merde, tu es du même quartier que moi, c'est génial. Je comprends pas. En tout cas, je dis pas que c'est de la merde. Mais vous, vous en avez pensé quoi? 0820-203-200. On se prépare également à Kalash dans un petit instant qui va piéger des auditeurs. Balancez-nous les numéros de téléphone des plus grands fans de Kalash autour de vous. 0820-203-200. On va faire du Hey Baby Allo. Mais juste avant, on s'écoute Tekken dans la Trace Radio. Génération 9-7. Guadeloupe, Martinique, Guyane. 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM.

Mais tout le monde a compris, Nessie. Tu joues, qu'est-ce que... Ah bah tiens, voilà, tada, ah. Voilà, voilà. Hey baby, allô. Vas-y, lâche le son, Tijo. Hashtag GLF7, hashtag TraceFM, 0820 203 200. Alan, un petit coucou à toi, mademoiselle Sissi, merci de nous rejoindre également. Hashtag GLF7, hashtag TraceFM, mais aussi en direct. 0820 203 200. On vous attend également sur tous les réseaux sociaux. Tiens, tout à l'heure, on fera un live Facebook. On revient, il y a encore plein de choses dans la radio. Hey baby, allô. Qui c'est qui a chanté là? Tu peux me un pull-up s'il te plaît, là, juste le hey baby allo. Juste je vais couper le micro des invités. Ah là on va se taper l'intro là. On se tape l'intro hein. Mais vas-y, on se tape l'intro. Ça dépend quand tu dis se taper l'intro mec. Est-ce que tu veux que te taper l'intro tout seul dans ton coin? Tu veux qu'on te laisse dans le studio? Moi aussi je veux. Toi tu veux te taper l'intro aussi? Ok. Carrément. Bon ben ça marche. Les gars, sinon on peut écouter Kalash. A tout de suite. Hey baby, allô. J'espère que je vous dérange. Je n'ai pas pu me retenir, je sais. On s'est quitté à longtemps. J'ai toujours ton numéro. Je le connais comme mon nom. J'hésitais, mais fuck qu'on est gros. De t'entendre, je suis content. On m'a dit que t'as un enfant. Je suppose qu'il s'appelle Adam. C'est ce qu'on s'était promis, jamais je n'oublie. Un fils ou une fille, si j'avais mon CD, même si c'est fini. Penses-tu à moi dans ton lit? A-t-il le secret qui te fait gémir? Mon cou noir, les gens d'un jour te voient rougir. Baby, j'suis tellement désolé. Chacune de nos sorties se fait les mains gardées. Les grands de ce lien me voient ou veulent l'engager. Quand le feu m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JB qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne je peux crever le monde entier. Torchons dans la taille et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Va gagner l'euro million. Et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la depuis le départ, j'ai senti moins bien aller tous les jours en vérité. Wow, y'a nous qui aille là où veille. Ou bas qui qu'est en moi, elle veut mettre sentiment en otage. Y'a l'ou c'est en belle jeune femme. En vais pas où rester seul. Moi qui fait tout pour ses temps. En fois c'est là qui rété derrière. Et nous qui flex en occupé des mouns. Et qui a dansé encore qu'à sentir moins bien. Qui pour aller sans retour. En nous partir sans garder derrière. En savons jour qui tombe. C'est moins fort pour pas faire rien. En vérité, on pas changé. En toujours le même. Belle jeune femme, belle jeune femme, en vrai, tout genre. Si nous guessons pour on life, pas ça. I just the body with me, I'm out of them and I cry for. Je suis the body that I'm out of them and I cry for. I'm out of them and I cry for. Body with me, I'm just the body with me, Chris. Hey baby, loving when you whine for me. Tell me what you want, baby. I'm a loving what you have, baby. Oh, love. Tris. Bust a wine for my daily like a background the corner. Boom, pop, pop, pop, get it right, sweet, your mama. If you love the right, me turn it up like a sauna. Tris. Hold on for my body and Tris. Set it. Broke off my back, yeah. Tris, if you set it. This line of world, no Tris. Set it. Hold on for my body. Hold on for my body. Love how me set it. Set it, set it. Tris, if you set it. Set it, set it. Roll on, set it. Set it. Watch out, me set it, set it, set it. Why my body men are stiff like soldier. Table top make the boots take you over. And the toll you not care if you're sober. Anyone tout ça commencé, mais histoire là pas claire. Anyone on a tout monté, basse forme dans la caplé. Et pour vous, qu'est-ce qu'il a chanté, c'est tout quoi qu'il a fait mal. Il s'est l'édit qu'il a manché, mais ça qu'a fait. Il a fait juste ça, Big Bad DJ. Ça va se retenir, comment y'a vous en histoire. C'est pour Dieu seul qui ça. Et qu'on la lit dans ciel, puis qu'a gardé, puis qu'a senti, c'est tout quoi qu'a m'en bas. Puis c'est les vivants, pieds coupés, tête en journée, en chance d'y dormir en bras. T'es un gros zéro. T'as la sédène sol, c'est pas boléro. La nuit en rafette, café rodeo. Je crois que je suis chier. Mon Dieu, maman, la côte, j'ai un cabaye jalousie. M'en posé, yo calme, attends, j'aboussi. Ou peut parler mal si, mais ça, odi, odi. Ta gueule. Alors, APK, longue vie, APK. Alors, APK, longue vie, APK. Des bois, des fesses, ça, odi. Des bois, des fesses, ça, odi. Des bois, des fesses, ça, on l'air. APK, des bois, des fesses, ça, odi. Baby, qu'on crabe, qu'il cesse un trou. Mais avant qu'il brille un coup, Wayne en l'aime, une explosion de jaloux. Rien à foutre des alentours. Depuis autant de mises, c'est ça qu'a mis tes rentrants. En gari, matché ça chaque jour. Ou qu'il explose, y'a des n'importe qui sent. Hands up in the air for the bad time. Respect APK for the bad crime. Mash them enemies if you die. Who a bad, who a mash thing, you can ask them. Them afraid and they say me afraid them. Them a think me a scared, me no scared them. Ala APK, APK, APK. Femme à Dakaïla, la panique personne qu'a des con. Peut-être les femmes l'ont échappé sous pas validé, foutu, yo la paix. Mais y'a tes fesses en l'air, mais y'a tes fesses en l'air. Les bouts chauds, les combats en fer. Tout trop chaud, il est à l'aise. Kaïla blindé bambin. Blindé bambin. La radio est libre tous les soirs et c'est pour déconner, délirer, mais aussi parler sérieux. Quel que soit ce dont t'as envie, tu débarques au 0820 203 200. Hashtag G97 et at Trace FM également sur Twitter. A tout de suite. Trace FM. Génération 97. Pas de limite. Bah, si vous avez envie d'entendre des sons là, machin, réclamer des titres, vous le faites hein, sur Twitter, on est là, à votre écoute, vous débarquez, la radio est libre, c'est valable pour le mix, c'est valable pour le talk, c'est valable aussi pour le délire. On a Krakinet qui a adoré la petite session qui a démarré par Kalash. Tu aimes Kalash hein. Putain, dit comme ça. Et toi, tu t'aimes Kalash? On va inaugurer tout à l'heure Kalash qui fait des canulars dans la génération 97. Ça ressemble à peu près à ça. Si tout le monde a l'impression que tout le monde connaît sur le bout des doigts la chanson Tekken, ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne reconnaît pas forcément le don de Kalash lorsqu'on l'a au téléphone. Allô? Hey baby, allô? Qui sont Kadimela? C'est qui? C'est qui veut te demander? On se tape toute la chanson de tout à l'heure, mais en version remix, en version live. Balancez-nous les numéros de téléphone des plus grands fans de Kalash que vous avez autour de vous. 0820 203 200. D'ici là, on va jouer à This is the Boss. Il s'appelle Charim. Il nous a chanté Courage. Avec c'est beaucoup de courage. Maman, le discutable talent d'aujourd'hui. On va débriefer. On va débriefer évidemment, vous nous donnez votre avis, les auditeurs, hashtag G97, hashtag Trace FM. Charim, tu es de retour avec nous mec. Allô, allô. Oui, je suis de retour avec vous. Alors, c'est voici la... C'est pour toi, je suis. Ouais. Maman, Yes, on va demander leur avis un petit peu dans le studio, un petit peu aussi à l'extérieur, hashtag G97, hashtag Trace FM. Ils en ont pensé quoi de ton titre qui s'appelle Courage? Très joli instru. Ouais, l'instru était très bien. Joli instru. J'avoue que sincèrement, j'ai eu l'impression que j'avais une personne différente qui m'annonçait sa chanson, tu vois. Alors, d'ailleurs, Kalash a dit qu'il voulait l'instru pour son prochain album. Il a c'est dit vrai ça. C'est il vrai vient de, il vient de me dire ça. C'est vrai, oui. Kalash te parle de temps en temps. Il me parle souvent. Et des fois, tu te réveilles en sueur et tout. Non, non. Bref, on fait le petit tour. Sabri, t'en as pensé quoi? J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ça se laisse écouter, mais je sais pas. Il manque un truc. Il manque un truc. Il ouais. manque Kalash en fait. Gogo, t'en as pensé quoi? Ah, j'ai adoré le son. C'est posé, c'est tranquille. En même temps, il raconte des trucs conscients. C'est trop posé. C'est à un moment donné, ça doit casser. C'est vrai, c'est vrai. Il non, mais t'es trop violent. C'était doux, c'était bon. Non mais alors, tu parles toujours de la chanson du gars. Mettez-vous oui, d'accord les gars, parce que franchement, honnêtement, au final, c'était bien ou c'était pas bien? C'était bien. Mais il manque quelque chose. Attends, tiens, vrai. Je vais demander à la nouvelle stagiaire Lilou. Attends, bouge pas. Quoi? Il manque quoi? Bah attends, on va essayer. On fait l'enquête, ok? Ok. Et on te répond dans un petit moment. T'en as pensé quoi, Lilou? Moi, je pense qu'on peut faire du sexe dessus. On peut faire du. Ouais, mais pas du sexe sale, quoi. Du sexe, non, je t'aime. Du sexe quoi. Tendre, c'est idéal pour l'entrée en matière, on va dire. L'entrée en matière. Ah oui, c'est idéal pour la rentrée. Pour rentrer. D'accord, ok. Ça, voilà. Ok, je vois le genre. Ok. Bon, au final, si vous lui donnez une note, en fait, genre. Ses chances de survivre dans le milieu impitoyable de la musique. Tu donnes combien, Lilou? 7,5. Sur 10? Sur 35? Sur 43? Non, sur 10. Sur 10, ok. Sab? Ouais, 7. Sur 10? Ouais. Je mets 6,5. Mais attendez, je comprends pas. Moi, c'est moi qui ai mis des réserves et vous mettez des notes plus basses que moi. J'ai dit la même chose que toi. Gogo, tu donnes combien? Non, moi, je mets 8 quand même. Tu mets 8? Ah ouais. Putain, Gogo, t'es amoureux là en ce moment, non? De la musique. T'as une nouvelle meuf. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé un petit peu les auditeurs sur le web, les webnotes? Alors? Ben, il y a eu pas mal de supporters, surtout en provenance de ton quartier. Ah ouais, la Dillon là, maman. Donc c'est bien, tu peux passer tranquillement demain. Ouais, plus jamais on va prendre ton téléphone portable, mec. Plus jamais. On te respecte. Ils vont te vouvoyer dans l'abribus. D'ailleurs, fais une cotise pour avoir un nouveau téléphone. Ouais, mais je suis pas sûr sur le téléphone. Tu sais, des fois, c'est les gens qui parlent dans le téléphone. On n'y peut rien. Écoute, Charim, c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi. Ça l'a fait. Je pense que les gens ont majoritairement apprécié. Oui. Alors, ça veut pas dire pour autant que tu dois arrêter tes efforts. Je pense que tu dois continuer à donner le meilleur de toi-même parce que il y a quand même eu à un moment quelqu'un qui a dit il manque quelque chose. Et ce petit quelque chose peut-être qui manque, c'est peut-être ce petit quelque chose dont tu dois rester en quête, tu vois. Tu dois rester à la recherche de ce truc-là, ok? D'accord. On se tient au courant, mec. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée, Frangin. Ciao, ciao. 0820 203-200. On a Loulouche qui nous rejoint du côté du standard. Salut, Loulouche. Allô, elle est là pour quoi, Loulouche? Ah, on va jouer au Big Quiz. On a des cadeaux à vous offrir. 0820 203 200. D'ailleurs, on vous rappelle que cette semaine, on vous offre votre paire de Nike Air Max. Comment ça se passe, Gogo? Alors, il y a le double hit, il faut le guetter toute la journée. C'est 7 hits de Cécile, enchaîné à Yuji et Mister Easy avec Dance For Me. Il y a 7 chansons de Cécile avant qu'il y ait le double hit. Non, 7 hits. Ah non, ouais, non, mais non, on a compris. 7 hits. 7 hits. Non, ah d'accord, ok, la chanson. J'ai cru, c'est 7 hits là. Ouais, ouais. J'ai cru qu'il y avait 7 hits de Cécile. Mais non, oh là là. T'imagines, le truc qui passe pas inaperçu. On vous passe 7 chansons d'affilée de Cécile, les gars. Dès que vous entendez 7 chansons d'affilée, déjà dès la troisième, il faut que tu te méfies. Hein. La deuxième, ça peut arriver, ça peut être une erreur, tu vois. Mais la troisième et la quatrième, là, mec, y a plus à hésiter. Ta paire de Air Max, à ta pointure, évidemment. Si tu fais du 43, on va pas t'offrir du 37, ça c'est certain. 0820 203 200, premier arrivé, premier servi. On se fait un petit hey baby, allô? Oui. Kalash piège désormais dans Génération 97 avec cette chanson cultissime, devenue en tout cas cultissime, de Tekken. 0820 203 200. Écoutez un petit peu ce que ça donne lorsque on appelle au hasard des numéros de téléphone que vous nous avez donnés. Vous connaissez le plus grand fan de Kalash? Balancez-nous son numéro de téléphone, des fans ou alors les gens qui détestent Kalash. Vous allez voir que tout le monde ne reconnaît pas forcément la chanson. toi qui a dit me là, c'est qui? C'est qui le t'a demandé? J'ai toujours ton numéro. Qui t'a donné mon numéro? Ta mère me l'a bien dit. Maman, moi, hein? Ah ouais, vrai, toi là. J'ai des dossiers sur toi. Bon frère, je raccroche à plus tard. Johan, c'est où qui là? Johan, arrête de faire ces blagues là, tu as acheté le pain? A-t-il le secret qui te fait gémir? Tu m'as fait gémir avec le pain? Penses-tu à moi dans ton lit? Tu m'en fatigues, achète un pain massif pour moi. On m'a dit que t'as un enfant. Ouais, va acheter le pain pour moi. Eh hey frère, la chouette sérieuse là, bonsoir, bonsoir, excuse-moi, ton papa est pâtissier? Ah mon dieu, c'est pas gentil là. Non, c'est pas Johan, hein, c'est la radio gay là. Bienvenue sur Trace FM. Bonsoir, bienvenue sur Trace FM, mademoiselle. Hey baby, allô, ça débarque à n'importe quel moment, mais il nous faut des numéros 0820 203 200 pour balancer celui du plus grand fan de Kalash, ou alors il déteste Kalash, ou elle déteste Kalash. File-nous son numéro 0820 203 200. D'ici là, on repart sur du Soprano. Tu es prêt pour Tijo Sound? Tu es prêt pour Sopra Baba? C'est parti, Madagwadayana. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé, l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Génération 97. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait des poches. Lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones de tout plus ce que la peur. L'enfer n'est plus chez moi. Simone, en papillon, oui c'est dit le bel zoo à Capivo. La Réunion, qui m'a la Guyana, nous c'est Timbole. Nous les pressions, c'est nos pas des musiques, nous gassons. Qui boit la Guyana ou Mada Réunion? Nous n'y a seul vie pas de caution. Quand nous seuls, la télé j'y veux bouger les pressions. Comme bien le montant. La télé j'y veux bouger les pressions. Comme bien le montant. Kalahinga lehinga, Kalahinga lehinga, Kalahinga lehinga, Kalahinga lehinga, Kalahinga lehinga, Kalahinga lehinga, Kalahinga lehinga, Kalahinga lehinga. La télé j'y veux bouger les fessiers sur couleur coupée. Ibrahimo. Mais je le connais pas, tu l'as donné. Alain, Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic. Cavanil. Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic, Cavanil. La putu di allegrio, a chumuna na portu di allegrio, dos mo. La putu di allegrio, a chumuna na portu di allegrio. Je porte mon pantalon, je suis debout, c'est toi que ça sert. Je danse ma chose, tu te mets à rire, tu ris ta mère. Tu veux faire la morale à qui? J'ai mon père. Quand j'ai déjà vu mes pieds, mon frère, est-ce que je bougeais? Ça sort comme ça sort, mon ami, ça sort comme ça sort. Je tends mon cou comme Anibela et je descends en pangor. J'ai des jambes comme Vali, mon ami, mes reins ont le ressort. Je ne contrôle plus mon corps, DJ, tu veux ma mort? Mon ami, quand je me fâche, je me lâche, plus rien ne me fâche, je crée mes propres biches. Et si mon voisin fait un wake, il me wanna move, je m'en fiche, je triche. Quand je me fâche, je me lâche, plus rien ne me fâche, je crée mes propres biches. Et si mon voisin fait un wake, il me wanna move, je m'en fiche, je triche. Deuxième casier, on est déjà avancé, on veut déjà déranger. On commence à se rappeler comment à l'époque on dansait le zengue. Zengue, zengue, zengue, zengue, moto. Big up T-Josson, Big Bad DJ. Mon las, mon besoin en vrai. Génération 9-7. Avant qu'un câble a pété, l'esprit en voyage ja, en fait. Oui. Heureusement qu'un bordel là j'arrivé. Il s'appelle DJ Tijo Sound, nos platines, DJ officiel de la génération 9-7. On revient dans un petit instant, qu'est-ce qui se prépare? Du Big Quiz. On a quoi encore? Je l'appelle Cressin. Ouais, on appelle quelle famille ce soir? La famille Napoli. La famille? Napoli. Napoli. Il joue beaucoup. Napoli. Bon d'accord, ok. Toi tu joues au domino, ça va bien se passer. 0820. Putain, attention, 2016, la rentrée, septembre. Nessie Elvan. 0820-203-200. Bonsoir Mathias. Salut Loulouche. Bonsoir Alicia. Bonsoir Juju. Salut les gars. Dans un petit instant, on revient avec vous. Il y a du Big Quiz qui se prépare dans la Trace Radio. Vous bougez pas, vous raccrochez pas. Attention. 1, 2, 3, 4. En génération 97, Mada, Guada, Yana, une chose est sûre, le soir vous n'avez plus le. Yes, à tout de suite. souviens-toi. Aucun bluff, tout elle est la grande gagnante de Trace Music Star. Cette semaine, Estelle B débarque sur Trace avec son premier hit enregistré chez le Watibé. Dernier jour. Tout le week-end, écoute Trace FM pour découvrir en total exclu le premier hit d'Estelle B avec Canal+, McDonald's et Airstar. World Creole Music Festival revient avec Trace. La culture caribéenne vous donne rendez-vous du 28 au 30 octobre pour la 19e édition du Festival de la Dominique avec Econ. Ophelia Chabanton, Morgan Heritage, Michael Anderson, Midnight Groovers, Crayola et le grand méchant Zouk. Au total, plus d'une vingtaine d'artistes. World Creole Music Festival. Du 28 au 30 octobre 2016. Un événement Trace en partenariat avec le ministère du Tourisme de la Dominique. Info sur www.wcmdominica.com et sur www.discoverdominica.com. Ton couple est-il fait pour durer? Infini au 97 300. Un mois, un an, 10 ans, une vie? Envoie Infini, INF, INI au 97 300. Nos experts pourront te donner la réponse. Infini au 97 300. Trouve la sérénité et avance. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Génération 97, le soir. Le soir. La première libre antenne des Antilles Guyane est sur Trace FM et nulle part ailleurs. 0820 203 200. Appel. On est de retour, Mada, Guada, Yana. On a Juju qui nous rejoint du côté du standard. On a Alicia également qui est avec nous. Et Mathias. Bonsoir, bonsoir. C'est pour du Big Quiz. Allô, allô. Bonsoir. Ça va bien? La forme, tranquille? Oui. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que quand je précise pas le prénom, tu sais pas exactement qui doit répondre. Mathias, tu fais quoi de beau cette année, mon frère? Alors, c'est quoi ta rentrée? Ça se passe comment? Ah bah, ça se passe bien. J'ai atterri dans une session. Trop technique, mais bon, c'est pas ce que je voulais faire. Ah oui, putain, alors ça veut dire que maintenant, les cursus du bac, ça ressemble à une soirée, en fait, où les gens prennent de la drogue. Une soirée électrotechnique, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok, bon, bah, petit refrain. On a Juju qui nous rejoint. Bonsoir, Juju, comment ça va? Bienvenue dans Génération 97. Salut. Merci. C'est quoi ta rentrée? C'est comment? Ça se passe bien. Ça se passe bien, c'est cool. T'aimes tous les visages qu'il y a dans ta classe? Je connais pas beaucoup, mais... Ouais, c'est ça, c'est ouais, en fait, c'est la première impression. Ouais, non, mais c'est... on parle des visages, hein. T'es pas obligé de... de faire un pronostic sur ce qu'il y a dedans. C'est la meuf, ils m'écoutent tous ce soir, je vais éviter de me faire des ennemis dès le début de la rentrée. Bon, ça se passe non, mais bien. Normalement, dans chaque classe, il y a quelqu'un qu'on déteste. Donc toi, si tu détestes personne, peut-être que si toi qui les autres, ils détestent... En même temps, la rentrée générale pour toi, c'était quand? C'était aujourd'hui? C'est un peu tôt pour détester les gens, quand même. C'était le 5, donc il y a une semaine fin, déjà. Ah, il oui. y a une semaine que t'es rentré à l'école et tu t'es toujours pas fait un petit pronostic, voilà. Genre elle, ça sera ma copine, pas elle, elle, je lui donnerai un petit bout dans mon pain au chocolat à 10h, etc. En fait, pas vraiment parce que je suis en première année de médecine et c'est une grande fille avec... Tu es, excuse-moi, de... en première année de médecine. Ça veut dire que concrètement, oui. Tu ne peux pas aimer tout le monde. Tout le monde est ton ennemi. C'est exactement refrain, ça, voilà. Refrain. Grounia, maman à l'école. Bon, ben, bonne chance. Tu es un petit peu plus tard, quand t'auras passé la prépa, que... Vous êtes combien? Vous êtes 200, un truc comme ça, non? Non, on est beaucoup plus. On est 500, je crois, au plus. 500? Et il n'en restera que quoi? Une trentaine, c'est ça? La moitié. Non. Putain. On sera 100, je pense. 100. Combien? Il n'en reste que 100 sur 500? Oui. Putain les gars, c'est pire que Koh-Lanta. Et ils sont 500 au début de l'année. Au terme de 2 années de prépa, entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, seule une centaine de places seront honorées. Qui de l'équipe des rouges, des bleus ou des jaunes ou des fluos? Parce que les fluos vont aussi en médecine maintenant. Putain, bonne chance pour ton année. On a également Alicia qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir Alicia. Bonsoir. Salut, tu fais quoi dans la vie Alicia? Comment? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment? Ah, bon... Tu fais des études, tu travailles, tu fais quoi? Non, je suis encore au lycée moi. Ah d'accord. C'est parfait pour toi. Mais non, c'est pas parfait. Ah, c'est un peu trop vieux. C'est trop vieux. D'accord, ok, c'est trop vieux pour Hugo. Trop jeune. Ah, okay. On va pas déconner, hein, c'est quoi ça? Bon, les amis, on va jouer au Big Quiz. Le principe est simple. Il y a une série de questions. Cette série de questions est honorée de bonnes réponses. Attention, évidemment, comme dans tous les jeux. On vous fait plusieurs propositions de réponses. Il faut trouver la bonne. Pour prendre la main, il faut votre prénom. Je ne veux aucune réponse avant d'avoir pris la main. D'abord votre prénom, ensuite la réponse. On joue au Big Quiz. Le Big Quiz, baby. Qui fait son grand retour en Place FM. Here we go. Qui va gagner de Mathias, Juju ou Alicia? Bonne chance. Et voici la first question. The first question. Dans l'Égypte antique, qui était le dieu soleil? Ro, Ri ou Ra? Alicia. Alicia prend la main. Ra. Oui, bonne réponse. Ok. Non, c'est en fait c'est. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Non, des fois je suis un peu surpris que les gens aient cette culture-là. C'est grâce à Stargate SG1. C'est ça. Stargate, j'ai regardé tous les épisodes de Stargate, je sais. Le roi c'est Ra. Deuxième question. Second question. Second question. Let's go. Dans quel film d'animation trouve-t-on un ogre très sale et grognon? Le monde de Narnia, Shrek ou Cirque du Soleil? Mathias a pris la main. Ah non, on me l'a dit Juju. C'est Juju qui a pris la main. Attention, on a l'arbitre du standard. Il vient de dire que c'est Juju qui a pris la main. On écoute ta réponse, Juju. C'est Shrek. Oui, ça, bonne ça... réponse. Ouais. Par contre, si tu peux nous refaire la réponse la prochaine fois, mais sans faire la fille de Dark Vador, s'il te plaît. Ah, en fait, je suis malade. Tu es malade? Donc, qu'est-ce oui, que tu voilà, as qu'est-ce que tu... Non, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je sais pas vraiment, peut-être une angine ou bien quand c'est une autre. Tu n'as pas encore déterminé de quoi il s'agit? Pas vraiment, non, j'ai pas encore fait compliqué. Qu'est-ce que tu fais sur mon antenne? J'ai réussi à faire ma première rentrée de toute ma vie. De toute ma vie sans tomber malade. Qu'est-ce que tu fous là? C'est la rentrée qui m'a rendu malade. Est-ce que tu peux parler? Non, j'allais lui dire de mettre un mouchoir devant sa bouche, mais on va encore moins se comprendre ses réponses, quoi. C'est quoi tes symptômes? J'ai tout. J'ai une toux grasse déjà. J'ai un peu de fièvre, mais c'est une fois dans la journée, puis je suis un peu fatiguée. Sabri, diagnostic différentiel. Je pense qu'il faut lui mettre un thermomètre. Un suppo. Un suppo, ça marche bien pour la gorge. Bon, tout le monde veut te mettre quelque chose dans le cul, en tout cas. Hein. Vous vous rendez compte quand même qu'on est en train de diagnostiquer quelqu'un qui est censé être en médecine, là, quand même. Oui. Elle mais... est censée savoir ce qu'elle a. Mais il faut qu'elle comprenne. Tu vas être calée, ma chérie. Il faut qu'elle comprenne exactement qui est son maître. On va lui dire avant tout le monde. Bon, alors, moi, ma préconisation, ce sera de l'oscillococcinum. Ok, tu prends de l'oscillococcinum, c'est bien contre les états grippaux. Ok, c'est bien, en plus, c'est pas dangereux, c'est l'homéopathie. Mais suppo, c'est bon pour tout. Ouais. Dis celle qui veut prendre son suppo ce soir. Et c'est le suppo de Satan. Je me disais aussi. On a donc un petit score là qui se dessine. Alicia et Juju en tête. Ok. Mathias, t'es à la traîne. Voici la question locale. Qui dit question locale dit jingle local. Local. Jingle local. 1, 2, 3, 4. Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'est la question locale. Local. Si et moi. Elles ont parlé. Ouais. Et terminé. Ouais. On nous allait. Ouais. Jouer la vie. Ouais. On y va pour la question locale. Question qui vaut 2 points. Quelle commune de la Guadeloupe dispose d'un aérodrome, d'un golf de 18 trous et d'une marina très moderne? Saint-François, Mathias. Le Gosier ou Badufort? Mathias a pris la main. Mathias. On écoute Mathias. Saint-François. Et c'est la bonne réponse. Bien joué. Y aller, détective. Détective Timoula. Bref. On y va, on enchaîne sur la question suivante du Big Quiz. Here comes the fourth question, la question qui vaut 3 points et qui te fait postionner. Ton nez qui coule aussi, c'est pas mal. Alors quel est le seul état américain situé en dehors du continent? La Floride, Hawaï ou l'Alaska? Juju, attention Juju. Wow, c'est Hawaï? Oui, c'est la bonne réponse. Bien joué Juju. Ok. On en est où les gars? On en est à 4 points pour Juju, 1 pour Alicia et 2 pour Mathias. Putain! Bon, c'est chaud, hein? Normalement, théoriquement, cette question est censée vous départager. Cette question est terriblement injuste, les amis. Cette question, en fait, celui qui répond bien, on s'en fout des points qu'il a marqués avant. S'il répond bien, il gagne le big quiz. On y va pour la final question ? Ouais. C'est parti, let's go. Final question. Final question. Final question. Final question. Putain, on a mis les moyens cette année. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On a un DJ, on a trois personnes qui font le café, les photocopies, et on a huit personnes qui font le jingle de la final question. Final question. Final question. On inspire. On expire, ça veut dire tu respires. Ok, Mathias, Juju, Alicia. On inspire bien fort, je veux vous entendre respirer. On souffle. Vous coupez votre respiration. Vous ne reprenez pas votre souffle avant d'avoir répondu à la question. Ça peut durer longtemps. On y va. Quel chanteur américain est né le 5 mai 1989 en Virginie? Est-ce que c'est Drake? Est-ce que c'est... Ok, Juju, on t'écoute. Alors, entre Drake... Dépêche-toi, il y a quelqu'un qui va mourir. Je pense que c'est Drake. C'est une mauvaise réponse. Mathias est mort. Mathias, tu m'entends? Oui. Ok, vas-y, vite, parce que Alicia va mourir. Lil Wayne. C'est une mauvaise réponse. Oh putain, Alicia, on t'écoute, Alicia. Bah, Chris Brown, hein. Oui, c'est Chris Brown. Ouais, mais elle a un peu triché, elle a respiré. C'est comme dormir, c'est tricher, respirer, c'est tricher dans ce jeu. Félicitations, Alicia. Tu repars avec les cadeaux ce soir du premier Big Quiz qui fait sa rentrée dans Génération 9-7. On te fait des bisous. Bonne soirée. Bon, Mathias, Juju, on tente encore. Et Juju, repose-toi bien. Soigne-toi bien. Merci. À bientôt. Merci. Tu veux être quoi plus tard? Tu m'as dit chirurgienne? Un truc comme ça? Je sais pas vraiment encore, peut-être allergologue. Elle a dit quoi? Allergologue? Allergologue. C'est ça ou le pôle emploi? Allergologue, c'est celui qui détecte les allergies, ouais. C'est ça? Oui, c'est celui ça. Qui te dit quoi faire en fait contre les allergies. C'est ça. On peut te dire non aussi si tu préfères. C'est-à-dire? Je sais pas, tu vois. Mais j'essaye de bien situer en fait. L'allergologue, c'est. Mais en fait, j'ai jamais rencontré vraiment d'allergologue. Tu sais, je me demande parfois si les spécialistes travaillent vraiment autant qu'on l'imagine. Tu sais, genre le mec qui est spécialiste de la quatrième phalange du petit pied, du petit doigt. Tu sais, par exemple, ça existe ça ou pas? Non. Non, parce que t'as les autorités. Spécialiste sur un seul doigt, c'est chaud. Ouais, non, sur au moins il en a cinq, quoi. Ouais. Non, et ça existe un manologue? Tu sais, genre le spécialiste des mains. C'est l'orthopédie, non? Mais l'orthopédie, c'est pour les pieds. Les pieds, on fait des pieds des mains. Non, mais attends. Non, mais alors attention. Tiens, Juju, question subsidiaire. Oui. Comment s'appelle le spécialiste des mains? Alors là, je sais pas si ça existe, franchement. Ça existe pas. En fait, quoi, t'es biomédecine? Non, en tout cas, il y en a pas. En tu n'as jamais entendu parler du manologue? Non, le pied spécialisé dans le fait de soigner tes mains. Imagine-toi, en fait, dans un monde aujourd'hui où les branleurs s'ennuient encore plus. Imagine-toi un monde où ils utilisent leurs mains, droite comme gauche, pour se donner un peu de plaisir et tuer le temps. Imagine-toi, ils chopent une infection, tu sais, sur les mains. Qui on va voir? Une prostituée. Bonne réponse, ça me va. 100% radio libre, 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. Big up DJ Son, Big Bad DJ. Éducation ni en défaillance. Tout le monde qui a subi violence là en silence. toujours couler. Comme un foyer les plus morts, pour qu'elle nous prend conscience. On ne pas qu'à faire effort, mais toujours qu'à plein nous que jeunesse en nous en errance. Éducation ni en défaillance, tout le monde qui a subi violence là en silence. Sans qu'il est toujours couler. Il est fait à coup chaque fois. Il tient la rue là hier soir. De toute façon, pas ni rien à faire. Il a quitté l'école, il trouve j'aime pour Pôle emploi. Les gars travaillent pour patron, c'est plié pour payer, yo capot pour couillon. Les gars dernière formation, tous les jours c'est cop, tous les jours c'est tentation. Maman ici c'est toute la journée, en télé-nouvelle, la mandée, petit frère. Papa est toujours allongé, attends on vivait tout, on prenait la jusqu'au jeu tombé, si y'en pas commode. La vie pas en film de Spielberg. Comme un foyer ni pour mort, pour qu'elle nous prend conscience. Prends mon pas qu'à faire effort, mais toujours qu'à plein nous que jeunesse en nous en errance. Éducation ni en défaillance, tout le monde qui a subi violence là en silence. Sans qu'il est toujours coulé. Comme un foyer ni pour mort, pour qu'elle nous prend conscience. Prends mon pas qu'à faire effort, mais toujours qu'à plein nous que jeunesse en nous en errance. Éducation ni en défaillance, tout le monde qui a subi violence là en silence. Sans qu'il est toujours coulé. Dans la journée qu'on l'a mis, puis ça colle. Vous faites business mauvais, t'es pour vous grâce à tantôt. Fille la prise en pligue, c'est l'idée qui n'est tout. Femme et jabon, j'en ai assez. Vous voulez amitié, si vous la gérez. Qu'à réfléchir, mais tout ça au passé. Est-ce que ça quand même des puissants plus dangereux. Pour soi, il rentre, il est échappé. Il doit nous bien changer, pour voir nous bien à tout gagner. Ma femme, il est gavé, il peut parler. Mon téléphone pour attraper un autre. Il pas cherché, pas fait ni un été. Difficile, il pas même laissé parler. Femme la cour, il peut s'y mouver tailler. Si tu sais ça, il fait après. Combien de fois il est pour moi, pour qu'elle nous prend conscience. Faut mon pas qu'à faire, faut mettre toujours qu'à plein nous que jeunesse en nous en errance. Éducation ni en défaillance, tout le monde qui a subi violence là en silence. Sans qu'il est toujours. I'm gonna set this place on fire. Burn it down entirely. Say Babylon, hear your time has expired. Brimstone, thunder and lightning. I'm gonna set this place on fire. Burn it down entirely. Say Babylon, hear your time has expired. Most more shots than near mall. Drop bombs, near palm, titty car, steer arm. Babylon if you go steer palm. So me cock, then trip on. Slaughter the church at all. Assassination, marksman, 45 in a seaman. Innocent bloodshed upon their shoulders. As the day goes, their heart goes colder. And documenting what them do up in the folder. Judgment, they are far more than the afterworld. Flash him a lot, here come the rats. Fireway gash, hit them a catch. No man has happened to Babylon gash. Them head full of gas, so them pass with a match. Snap on my fingers, I'm gone in a flash. Anything but it, peeing at the trash. Dust to dust and ash to wash. I'm gonna set this place on fire. Burn it down entirely. Say Babylon, kill your time as it's fire. This melody is your girlfriend, cause that's some wine on now this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stuff. And pose like them name Chuck Norris. And don't know the real hard work. And Generation 97. He talks them way to where them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot to. Unless you carry guns a lot to. A beer tough king come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then them wheel and pop off and them start clap it. We dip in file long and it happy trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Funny man a get chopped like a bad habit. Hunting once again. Big up DJ Son, big up DJ. Sweet mama Zita, you deserve me for the sun. So nice to meet you, could you tell me where you're from? Never seen a girl like you, you're hotter than the sun. Hotter than the sun, girl, you're hotter than the sun. Me and you together in the island having fun. Under the influence of sweet coconut rum, girl. Magical vibe, I don't want to be done. I need to give me your love, I'll never give you. je m'énerve sur notre planète. Où on fait moi cheya, ou confiance ça, ou confiez moi les manettes. Moi qu'à promettre vous d'être honnête. Génération F7. Baby, coucou gars honnête. Hey Russia. Et nous qu'est disparaître. Pourrait trouver nous tous les deux. En toute intimité. Pas si d'ailleurs qu'à poster. Why you love me baby? Woman, me love so. Ah, everything nice, I'm not tired in Colombia. Bad girl cafe, my plan is for amnesia. One in a billion, guapa. On me fly, señorita. C'est tant à la une mauvaise mine. Laissez-moi soigner au music codeïn. Moi c'est un artiste, moi qui bat un volé rime. Mène en Medellin, girl. Moi quoi qu'un animal qu'on fait Eline. Est-ce que j'ai ici la ligne? Tu n'y pètes tout stress sans aller pour l'île. Toutes copines ont j'ai dit ou fuck ou follow him. Girl follow me, mais madame Bendo, sa douce sa clean. Ah, everything nice on l'Otaïe Colombia. Fais moi planer qu'on amnésia. One in a billion, one in a billion, guapa. On nous fly, señorita. Non, ni moi ni moi, pas y'a dans ça, tout ça, que nous t'es beau, mais tout. A faire la paix, nous faire plaider, à faire souffrir, bref, tout déchirer. Si nous t'aimons, nous ensemble, c'était pour toujours. Nous passons l'année galère, péripétie, et pourtant, femme, on s'est le coup. Pour décider qu'elle aime tout seul. Jalousie, amour, n'est fait mauvais conseil. Fait qu'un bras, on doit chercher confort. Mais non, doudou. Ni vous, ni moi, pas y'a dans ça, tout ça, que nous t'aimons, mais tout. En faire la paix, nous faire pleurer, en faire souffrir, bref, nous déchirer. C'est eux qui entrent en moi, joli jour. En bas, moi sans vous. Et là, commandez moi quand vous cafez, sourd à songer moi toujours. Big up, big Josan, big bad D. Allez, nous capables de croiser, nous sans même y'en envie de dire l'autre bonjour. Et sans qu'à manquer au lover tout seul. C'est vrai que depuis nous laisser au plus belle. Sous si vous pouvez bonner à vous, manger les centaines. Parlez doucement, heureusement pas, on pas bourrer tout le temps. J'avoue que ça déroutant, mais l'air a vraiment juste envie, sous quoi de voir tout le temps. Sans passer un coup de vent, comme d'habitude pour te monter, ouais, Foucault. Trappe dans nous, ouais, couvent. Like Mr. Benjamin, I'm eating. Why them want me? Hello. Trust me, I'm a gentleman. You're pussy, no. Yeah. You know I'm be my friend, nothing. True of you're sexy, but that's the real little wicked girl, easy. Daddy, I bet you want run, tell them that you want me be your girlfriend. You get with it from where they heard it on the post, so it's a tad bit cliche. On the mic, sing for the DJ. So when you see you, me a figgy, you the smile. But me not gonna make no girl change me style. No girl on road can't read off me file. But a regular me do change me style. I bet you want run, tell them this. That you want me be your girlfriend. I you say you just want be my friend. So C'est la rentrée également pour la génération 9-7. Tijo Sound, derrière les platines, tu réclames tes titres et ça c'est toute la semaine sur Trace FM. Real Mix, Real Talk, tu veux parler de quoi que ce soit, tu débarques au 0820-203-200. Garde-en un petit peu sous la pédale, mec. Tijo, garde-en un petit peu sous la pédale, mec. Non, il va croire que tu l'insultes là. Donc tu veux lâcher, t'es sûr? Tout le redeem là maintenant? On fait un pull-up et on revient avec Somebody Say Pull-up. Mais moi j'avais bien envie de l'écouter maintenant. Tu vois, c'est le problème du DJ, c'est que tu vois, il te lance le truc et tu te dis putain, mon son arrive quoi. Mon son arrive. Bon, ça débarque tout à l'heure dans Génération 9-7. Guadeloupe, Martinique, Guyane, un coup de gueule, un délire, le soir, exprime-toi librement au 0820-203-200 dans Génération 9-7 sur Trace FM. Yannissi, Sabri, hey Hugo, yo. Vous avez remarqué le temps de réaction de Nessie? J'ai dit son prénom, j'ai eu le temps de dire deux autres prénoms avant qu'elle fasse hey. Tu l'as mal dit, c'est pour ça que tu as mangé le Nessie. J'ai mangé le Nessie. Oui. Personne n'a jamais mangé le Nessie. Si, il y a des gens qui ont mangé le Nessie, mais moi non. Moi je dis ça, je dis rien, mais à un moment ou à un autre, il y a des gens qui n'ont pas envie de manger le Nessie non plus. Mm-hmm. Mais il y a des gens qui ont aimé manger. En ce moment, il y a une épidémie de gastro-entérite. On se demande d'où ça vient. Je dis ça, je dis rien. Il y a Nina aussi avec nous, il y a du sexe confessionnel tout à l'heure. On parlera de quoi dans le sexe confessionnel, Miss? On va parler du sexe des vacances. Le sexe des vacances. Ouais, le one shot pas propre, machin, etc. à l'avant du bateau. Le sexe MST. Non, ça, c'est toi seulement. Ah, j'étais visiblement avec quelqu'un. 0820-203-200. Vous appelez Keshi du côté du standard. Il y a Tijou derrière les platines. Vous réclamez vos sons, mais d'ici là. Breaking news. Breaking news. Alors, on peut vivre dans la villa d'une série culte de notre choix. Alors, vous savez pour combien? Pour 12 000 euros. 12 000 euros, oui, par mois. Mais alors, attends. Combien de temps? Ouais, c'est ça. Et puis surtout, qu'est-ce que tu choisirais comme villa de série de ton choix? Tu serais où, Lilou, toi? Pas la petite maison dans la prairie, en tout cas. Ah, la non. Grange, là, non. L'espèce mais, de case, tu veux voilà, dire. Voilà, mais une grosse baraque, tu vois. Sinon, on a ça à carénage. Hein. Empire. La maison de qui dans Empire? Eh bah, Lion. Ah, carrément la maison de disque. Ah oui. Ah ouais. Tu vivrais où, toi, Lilou? Là, c'est pas une villa, c'est un rooftop. C'est ah ouais, rooftop. Alors pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, qui sont jamais allés à New York, c'est le plus haut du building. Ok. Donc ça serait le rooftop de quoi? 50 nuances degrés, il y a tout l'attirail. Ah ouais, ah non oui, mais oui, on parle oui, de oui. Série, toi tu nous parles de film, voilà. Putain. Hey, voilà. C'est une série de films. Sabri, ça serait où? Ça serait dans le château de Game of Thrones. Eh ben exactement, voilà. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas, Gogo. Aucune idée. La seule qui me vient dans la tête, c'est la maison qu'il y a dans Charmed, là, les sœurs Halliwell. Ah, parce que ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Alors toi, tu te dis, putain, ça serait cool de vivre dans une maison où il y a des démons, des vampires qui passent de temps en temps. Des morts vivants, des zombies, ça peut être cool. Mais il y a surtout trois sorcières sexy. Je prends la maison avec les sorcières. Moi, je sais pas, j'aime autant te dire que si c'est des sorcières, elles peuvent décider aussi de te faire croire qu'elles ont couché avec toi sans coucher avec toi. Hein. Je dis ça, je dis rien. Moi, je crois que ça serait le flic, pas le flic, le prince de Beverly Hills. Non, de Bel Air. Putain, j'ai tout mélangé. Le prince de Bel Air. Le prince de Bel Air, ouais. Je crois que je vivrais bien dans cet énorme manoir avec Carlton qui me fait très rien. Ils ont pas rasé cette maison là. Non, elle existe toujours. Mais la maison n'est pas extraordinaire. La maison est pas extraordinaire, mais y a, c'est les gens. Elle est bien la maison. Il y a une scène où on monte à chaque fois à la maison de dehors quand ils jettent le gars de. Il y a même pas de piscine. Il y a même pas de piscine. Mais on ne sait pas. On voit que le salon. Ah bon. Mais si, il y en avait une. Il y a un terrain de basket. Oui. Ah bah ok. Non mais c'est une vraie question du coup, tu vois, parce et que la maison est grosse. Honnêtement les décors de série, parce que en fait la vraie question c'est ça, c'est dans quel décor de série que tu aimes tu vivrais. Moi en je fait. Prends la maison de Gabriel Solis avec le dressing de Gabriel. Bon. Mais tu prends le jardinier aussi ou pas? Ah oui. Il y a eu deux jardiniers. À un moment donné c'était un gros mais elle a besoin des deux, hein, visiblement. Elle a laissé pousser toutes les vacances. On revient dans Génération 9-7. Gifta, ligne de mire. Et puis après on joue ce que t'as envie de réclamer. Hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820-203-200. Il y a d'autres breaking news qui débarquent. On revient également dans un petit instant avec de l'appel crétin. On appellera qui dans l'appel crétin? On appellera la famille Nopoli. Kounia, maman l'école. Kounia, maman l'école. Kounia, maman l'école. Kounia, maman l'école. On revient dans un petit instant avec de l'appel crétin. On revient également avec du sexe confessionnal. 0820-203-200. On a envie de reconnecter d'ailleurs avec les auditeurs qui étaient en vacances, qui ne le sont plus, ceux qui font leur rentrée, ceux qui le sont encore d'ailleurs en vacances. Ouais, la rentrée des étudiants, c'est pas avant. C'est décembre. Ouais, janvier. Décembre par là, le 29. Si tu rentres en licence belote, attention, la pré-rentrée, c'est le 27 mai. On revient dans un instant dans Génération 9-7. Génération 9-7. Guadeloupe, Martinique, Guyane. 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. Mes yeux commencent à briller. Si elle fait le premier pas, elle me prend pour sa cible. Je vais pas me faire briller. Je suis dopé, alcoolisé, mais je perds pas la tête. Tout ce qu'il faut pour te faire kiffer. Pour te rendre accro, la première dose est gratuite. La première dose est gratuite. Échange de 06 direct au calmant que de l'oreille. Bad bye n'est pas poteau avec la piste de danse. Je te paye tout le bar si ça te plaît. Et si je pouvais, je ferais le DJ rejet. Ces putains sont à outrance. Tellement je plane, je vole, tellement je vole, je plane, putain. Plus rien n'a aucun sens, mais c'est vrai. La fin de la chanson, tu la connais, yeah. J'suis dans la ligne de mire, son regard m'assassine. Mes yeux commencent à briller. Si elle fait le premier pas, elle me prend pour sa cible. J'vais pas me faire briller. J'suis dopé, alcoolisé, mais je perds pas la tête. Tout ce qu'il faut pour te faire kiffer. Pour te rendre accro, la première danse est gratuite. La première danse est gratuite. Premier contact effectué, à peine le temps de toucher. Qu'elle me dit déjà qu'elle m'aime. Elle veut me payer une baraque de voiture pour m'entendre dire tous les matins que je l'aime. Si elle savait comment j'étais SDB, j'aurais ramassé ses affaires et démarrer sa BM. Je vais faire ce que j'ai à faire et me barrer sans gêne, hey. J'suis dans la ligne de mire, son regard m'assassine. Mes yeux commencent à briller. Si elle fait le premier pas, elle me prend pour sa cible. J'vais pas me faire briller. Génération 9-7. You just passed the front gate, I thank God you came. How many more days could I wait? I made plans with you, and I won't let them fall through. I think I lie for you. I think I die for you. Jealousy cry for you. Do things when you want me to. Like controller, controller. Like controller, controller. Yeah. Okay, you like it when I get aggressive. Tell you to go slower, go faster. Like controller, controller. No one girl can satisfy me. Me need more fuel for the lime green. Me let no one girl can deny me. Me no see me change shiny but white green. Me a controller, young soldier, once over. Any man at this we I get slumped over. Don't be scared of the thing, girl, come closer. You need to come over. Bad man, we no watch that. Even women need for watch that. I got my gun on me. If me ever need for shot that. One time, yeah, one time for the rude boy, yeah, you know that. Honey down on a new toy, yeah, you know that. I been looking for you, baby. You need somebody wavy. 300 down on the reds, I bought the whole thing. Young nigga getting this cake, it's not a joke. I'm that nigga and I'm waving. Génération 9-7. Il faut que fire benot, fire benot. C'est bien que toujours fait, ou pas j'en fais en patate. Si ou ka échoué, man, mi la westman fidat. Et si mon trou débloque là, tout de moi quatre hypocrites, fire benot. Fire benot. C'est bien que toujours fait, ou pas j'en fais en patate. Si ou ka échoué, man, mi la westman fidat. Et si mon trou débloque là, tout de moi quatre hypocrites, fire qui vermi. Quand on va j'ai congrat, il toujours en bas fait, y'a rien, y'a pas karaté. Pour de belles filles, j'y mets l'esprit à cad. Pour y plaider, bah tout le monde, parce qu'elle m'a pas raté. Yo balé à cibé, acta yo. Faut cacher en leur pléton. because c'est pas yo. On s'est laissé nous faire mal yo. Criez policeman, manager à Batman, Batman. Où est-il? Manque d'humanité, qu'à fou à man, car on route méchant, méchant, méchant. Policeman, pas qu'à courir de Jeffrey Batman. Assez, c'est un tout peuple à yoye, parce que pas qu'à vivre à dans, vivre à dans, vivre à dans. Maman, pas rester moyen, payer y'a man encore. Si mes nourris nous qui achetent des yoka baïtso. Maman qui travaille à bord l'auto, il a descend. Ça important, bye, passe papa pas là. Envoie la vie à l'aide, yo place la pack away. Plein de co, yo ka dou que c'est bon, yo ka fey. Ou peut pas faire, on va chercher une solution. Yo pas fey, yo pas fey, yo manger. Babylon les lac mia. Où est-ce qu'il passe, si peut yo ton papa. A pas ici qui yo que jeune la drogue. Pas à rien qui ganja, qui mou gasma. Génération 97. Yo tchè bé mo, kéroun pom. Mon marijuana fait garde à vue, mon val de bébé, tu fais ça non plus. Il y a ta fireball, il a posé tout stress et pas mon inspiration à plus. Tout côté, yo font la street. Oui, y'a un seul goody pain. Différentes provenances, pour ta convenance. J'aime la high grade et pas le point. Pour mon frère qui l'a genre la frio. Mon pardon parmi frio. Mon rail c'est mettre le vel à tout de ton prédit. Ton pic radio caba et ton dépend plein de gaffe. Pour mon frère qui l'a genre la frio. T'as la pompe et frio. Mon rail c'est mettre le vel à tout de ton prédit. Ton pic radio caba et ton dépend plein de gaffe. Ça rabaille rendez-vous centre pénitentiaire. Yo si mes bas nous semi-liberté, permission, refusez mon dire, rien nous pas fait. Surtout là yo talonne pour pousser. C'est bête à la capable au mal tête. Parfois bas de carré dissopie. Surtout l'homme ma gueule tu pour la tête. En camane dit c'est tiré. Pour son friend qui l'a genre la frio. Pompi DJ frio man. Mon rail c'est mettre le vel là. Tu dis ton petit ton pique la radio cabaye ton des pompes l'an gaffa. Mon friend qui l'a dans la frio. Mon pado dans la frio. Mon rail c'est mettre le bala. Mais ton prédit, ton pique radio papa. Et ton épaule plein de gaffa. Non, non, mon palais retourne là-bas. On laisse à la big up fire. 10 ans, 20 ans, la jolle pas molle. Brandy Calamé, ça vous décline Gucci. Brandy Ride Up Génération 97 avec de l'appel crétin. À suivre du sexe confessionnel avec vos amours de vacances. Tiens, tu nous confies tout dans l'animal plus complet. Tu débarques 0820 203 200. Allez, à tout de suite. D'ici là, on kiffe le son. Les autres femmes leur vexent, yo presque à payer en AVC. Only princess, nous pas qu'à rabaisser. Mais nous pas qu'à flatter, yo c'est y'a prendre ou à laisser. Check y'all, c'est y'a prendre ou à laisser. Pas dit qu'il n'en l'est, y'a nous finis de confesser. Si moi qu'à coller des yo, pas senti qu'on va créer. De quoi tu parles? Si yo pété ici, yo, c'est parce qu'il le fallait. Oui, il le fallait. Devant la justice, t'as vendu tes collègues. Tout ton collègue, boy. Foutez les faits bagaille, brenne. Enlève place, les gars. Sale, il en meurt. Un business illégal. Ou en mode acteur. En mode pédale. Tout passe en ma couvert. Tout passe en pédale. Et l'ennemi gigophant. Ouais, non, mais gars. Perquisition. Pendant que les poids, les regards. Détention de drogue. Et puis fort d'armes. Monsieur Jean-Luc. T'es Jean-Luc. T'es Jean-Luc. Brûlez tout, Gina. Chieta. Devant T'es Jean-Luc, nous tournons Alzheimer. Alzheimer, boy. Mais dans son dos, de quoi tu parlais? tu parlais, tu joues sans péter ici, oh, c'est parce qu'il le fallait. Oui, il le fallait, t'as pas de respect, t'es qu'un fucking DJ. Un fucking DJ, boy. Oh oh, foutez les faits bagaille, bonheur, les places, tu joues sound. Sali, l'en met web et business illégal. Ou en mode adapté, mais aussi en pédale. Tout mon en staff, ça bombe, bon, pour ses rascals. Tu joues sound, d'ailleurs, platine, la sound, boy, la capella. Deplé dans tout bon d'ail, et la capette, foi. Tremblé, qu'a tremblé, fucking sans ou quoi. Tu joues sound, fais sound, boy, la capella. Tu joues sound, tourne Alzheimer. Alzheimer, boy, mais dans son dos, de quoi tu parlais? De quoi tu parlais? You my only one, you my number one, you're one of one. I wanna go one on one with you, one on one, and I want you to want me too. You're one on one, I wanna go one on one with you, back to the front with you. Don't let them make you regret it, they'll be fake if you let them. Don't let them make less out of something that means so much to you. I wanna make you feel comfortable. Girl, you know I fuck with you. Like summer school and Lunchables. We the untouchable, yeah. You don't have to suffer, no, yeah. I was made custom for you. Only get my love into you. On va envoyer un big up à Crymenos qui nous rejoint. Princesse Mayu qui fait sa crâneuse. Moi je suis moitié vacances, moitié cours. Enfin t'es moitié rien du tout aussi hein. Tu sais la meuf dégueulasse qui continue à te faire croire qu'elle elle est en vacances. Est-ce que pour autant tu vas tous les jours à la plage? Laisse-nous tranquille. Juice Bed, faut choisir. Magical Chris, hashtag G97, hashtag Trace FM. Tu joues sound derrière les platines. Désormais, on a un DJ attitré toute la semaine. Vous réclamez vos titres. 0820 203 200. Le but du jeu, c'est de s'ambiancer. Prenez Génération 97 pour votre laboratoire. Où que tu sois, Mada, Guada, Diana. Le soir, vous n'avez plus le choix. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. La libre antenne est faite par toi, pour toi, chez toi, avec toi. Je sais, ça fait répétition, je sais. Bonne rentrée à tout le monde. C'est la rentrée également de la Génération 97. Le soir, ta radio se lâche. Tu peux tout nous dire. Trace FM, Génération 97. Ta liberté d'expression au 0820 203 200. Et tout à l'heure, on va passer en mode sexe confessionnal aussi. Ouais, il y a quoi dans le sexe confessionnal ce soir? Du sexe pendant les vacances. Putain. Non, c'était bon. On dit pas putain. Y a pas de putain ici. Ça dépend qui on regarde dans la scène. Hein. Non, c'était bien. Le sexe pendant les vacances, c'est quoi l'idée en fait? Eh ben, en fait, c'est pendant les vacances, on se lâche un peu plus et on teste différentes pratiques. Moi, je me demande si pendant les vacances, tout le monde est véritablement complice, parce que en fait, y a des gens qui savent pas. Il y a des gens qui sont persuadés quand ils rencontrent quelqu'un pendant les vacances que c'est quelqu'un, ça va durer dans l'année. C'est sérieux, on va continuer jamais à s'écrire sur Facebook. Ouais. Ah d'accord, tu es parti à Amsterdam, c'est pas grave. Bon, tu parles anglais, je capte que dalle. Mais bon, il y a un moment où on parle le même langage, c'est une fois allongé. Est-ce que tout le monde est vraiment au courant des règles des amours de vacances? Non, mais les ceux qui savent pas, c'est des tabés. Il y a des règles. Et bien sûr. C'est quoi les règles? Tous les mois d'ailleurs, il y a des règles. Si tu rencontres quelqu'un, genre, je sais pas moi, avant, pour les Martiniquais, je sais pas moi, avant le tour des Yoles, par exemple, bah c'est mort, tu sais déjà très bien que ça va pas durer. Mais non, arrête. Non mais attends, tu rencontres quelqu'un à la Mercury, tu penses que c'est l'homme de ta vie? Mais non, mais ça peut arriver, il y a peut-être des gens qui se sont connus. Tu sais pas, hein, le truc est tellement magique, en fait, il y a de la mousse partout, tu te dis... Mais oui, mais après la mousse, justement, ça mousse plus. Pratique. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est incroyable, cette magie qui opère. Que nous arrive-t-il dans la mousse? Non, jamais. Si tu ressens la même chose que moi, Pedro. Merci d'avoir partagé ce petit souvenir de vacances. Évite les photos, évite les vidéos. Garde-les pour toi, il n'y a pas de problème. Non, moi, je vais voir. Hein. Qui a pécho pendant les vacances? Qui a rencontré du monde un peu? Toi? Non, moi, toute seule. Vas-y, Lilou. Il y en a qui n'assument pas, vas-y. Il y en a qui ont une vie, tout simplement. Non, non, mais alors, t'as multiplié les partenaires pendant les grandes vacances ou... Non, pas forcément. Défini, multiplié. Plus de 10. Non, ouais. Non, multiplié à partir de 4. 8,5. Il y avait une meuf, ça compte pour la moitié. Non, il a eu plus de femmes aussi. T'as fait des nouvelles expériences pendant les vacances ou pas? Moi je sais. Oui, bon, ça va. Hein. Alors ? Disons qu'il y a eu quelque chose d'inattendu, surprenant. Dina, il y avait un poney. D'attendu ou de, d'inattendu ? Il y avait un poney dans l'histoire. Alors. Les gars, les animaux sont nos amis, les gars. Les gars, laissez ça aux gens, les gens en commune. Il y a plus beaucoup de poneys. Tu vas nous faire rappeler. C'est pour ça justement qu'il n'y en a plus. Non mais donc t'as fait quelque chose d'exceptionnel. On en parle dans un petit instant. Hashtag G97, hashtag TraceFM. Gogo, t'as géré ? Géré quoi ? Ah ! Le poney, non. C'est le mec genre on dirait. Non, le poney, non. Non, le poney, jamais le poney, les gars. Non, même pas. Je pensais à autre chose. Non, mais je veux dire, pendant les vacances, tu t'es parce que t'as pas une meuf attitrée, toi. Si. Non. Et maintenant, non. Une enfant. Plus maintenant. Attends, c'est intéressant parce que attention, si ça se trouve, en fait, Gogo, en fait, il a enchaîné juste une partenaire toutes les vacances, persuadé que ça serait. Oh, t'es mignon! Non, du tout! C'est ne... mignon! Vous êtes ridicule! T'es tombé amoureux pendant les vacances ou pas? Pas du tout! T'as une sex friend? Non! Sa main, c'est pas sa vraiment. Main! Pas vraiment? Vous faites rien alors? Vous parlez? Vous allez au cinéma? Oui, aïe, c'est un interrogatoire. Hein. Moi, je pense que Nessie, en fait, pourquoi t'es aussi prude sur tes expériences? Non, parce qu'il y a des gens qui peuvent écouter. Ouais. C'est la technique de je veux pas griller la connasse. Tu sais, elles sont plusieurs, tu sais, genre, on sait jamais, je veux pas donner de prénom. Nessie, non, toi, c'est. Putain, Nessie, elle nous fait chier depuis qu'elle est en couple. Hein. Avant, elle dit, je me suis tapé le manager de celui-là. Je me suis tapé le DJ de cette soirée-là. Tu vois la chanteuse, là, celle qui est super bien foutue. Je me suis tapé. Putain, la meuf, tu sais, avant sa vie. Et puis là, elle est en couple depuis un moment. Tu sais, j'ai l'impression que c'est même pas la peine de lui poser la question. Elle nous raconte en plus, merde. Sérieux ? Ouais, je me suis même fiancée. Non, mais chaque fois, tu nous racontes en fait le même mec. Félicitations quand même. Je veux dire, il y a... Ah, tu t'es fiancée ? Bah oui. C'est la nouveauté quand même. Oui. Putain, alors, blague à part. Tu es au courant ou pas ? Non, mais ton mec t'a filé une bague et tout. Oui. Alors, moi, j'ai une question. Waouh ! C'est magnifique, ouais. C'est beau, c'est incroyable. Alors moi j'ai une question, est-ce qu'il y avait un truc que on a senti l'émotion, Yannick. Est-ce qu'il y avait un truc que vous aviez jamais fait avant que tu aies la bague? La sodomie? Non mais on a déjà tout fait, on a fait tout ce qu'on devait faire. Et le mec qui t'a filé une bague? Oui. Alors qu'il a tout eu? Oui. Il est vraiment amoureux, c'est magnifique, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Oui. Il est incroyable. Parce qu'il veut continuer à avoir. Il veut continuer à avoir. Voilà. Non ! Il a senti qu'il y avait le prix à payer. C'est une jolie bague que tu as, c'est très beau. T'es la première personne de mon entourage qui se fiancie. Non, il y a Lisa aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Fiancie, c'est pas la bonne conjugaison. Qui se fiançaille ? Lisa s'est fiancée. Kabamoun, tout le monde Radio Amoun là. L'État s'est fiancé aussi ? Oui. Sérieux ? C'est incroyable. On fait des concours de bagues. Mais elle cherchait les papiers. Bisous Lita, si tu nous écoutes. 08. Bref, peu importe. Hashtag G97, hashtag. Qu'est-ce qu'on a, Gogo ? Sauve-moi. Il y aura de l'appel crétin. Ouais, je crois qu'on va pas tarder à l'appel crétin parce que les gens sont déjà morts de rire, donc tant qu'à faire. On va garder la vibe telle qu'elle est. Le sexe professionnel se prépare dans un petit instant. Est-ce qu'on a du nouveau jeu qui débarque dans un petit instant, Kesh ? Ah, on rigole plus là. Alors Kesh. Du Seki, oui. Ah, donc il faut donner des indices. Ouais. Merci de nous prévenir, Keshi. Merci de ton aide. Tu vois, par exemple, Keshi, c'est le genre de mec, 2 mois, c'était pas suffisamment de vacances pour avoir envie de le retrouver à la rentrée. Je dis ça, je dis rien. On a de l'appel crétin, on appelle quelle famille ? La famille Nopoli. Allez, jingle. C'est l'appel crétin sur Trace FM. L'appel crétin. L'appel crétin sur Trace FM. On appelle qui ? La famille Nopoli. Nopoli. On appelle la famille Nopoli, ça existe ? T'es sûr que c'est pas Napoli ? Il y a les deux. Il y a les deux. Le mec, tu sais, genre moi, je suis incollable à n'importe quel moment de l'émission. Il a dit tout à l'heure, Nopoli, j'ai été vérifié si ça existait. C'est bon les gars, c'est pas un fake. Tu sais, le mec qui est spécialisé. Attention, Chatoun 971, elle est au Rwanda. Elle va essayer de te prendre de l'argent. C'est le mec spécialisé dans les arnaques, tu sais. Non, ne fais pas confiance à Edouard 65. Edouard 65. On y va pour l'appel à la famille Nopoli. On y va. On vous rappelle qu'à n'importe quel moment, ça a accroché, faut appeler quelqu'un d'autre. On vous rappelle qu'à n'importe quel moment, dès que vous entendez DJ Fly, Cécile avec 7 hits enchaînés à... À Yuji Dance For Me, faut appeler tout de suite 0820 203 200. Yes, c'est le double hit qui vous permet de repartir avec votre paire de Air Max. T'as un nouveau numéro, c'est bon cash, ça sonne. On appelle la famille Nopoli. Rentrée de G97, rentrée de... L'appel crétin sur... Allô ? Oui, allô ? Allô, oui ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Nopoli est là ? Monsieur, de la part de qui ? Et Monsieur Nopoli est là ou pas ? Monsieur Nopoli, mais lequel vous voulez voir ? C'est Georges. C'est Georges. C'est pas monsieur, c'est madame Nopoli, Georges. C'est madame ? Oui, c'est une femme. Ah d'accord. Et tu préfères les hommes ou les femmes ? Je n'ai aucune préférence. Mais j'ai un prénom de garçon. Ah ouais, mais du coup, tu es homo ou pas ? Madame Nopoli. Et monsieur, ce n'est pas la peine de me poser tant de questions. Mais c'était pour savoir si on pouvait jouer homo Nopoli ? Je n'ai pas besoin de ce genre de jeu. Bah, tu es sûr ? Je vous ai dit que je n'en ai pas besoin. Tu veux pas jouer au Monopoly ? Écoutez-moi la paix. Bon, au moins c'est la rentrée, c'est bon, c'est consommé. Génération 97, pendant 3 heures, c'est nos limites, zéro censure. Génération 97. C'est peut-être un double hit qui retentit. 0820 203 200, 7 hits enchaînés à Dance For Me, votre paire de Nike Air Max. Toute la semaine, on vous l'offre à n'importe quel moment sur Trace. D'ici là, DJ Tijan Sound. We so fly. I just the body with me, I bought that man I cry for. Yep. Body with me, I bought that man I cry for. Yep. Just the body with me, I bought that man I cry for. Yeah. Body with me, ever just the body with me. Bad girl. Hey baby, loving when you wipe on me. You tell me what you want, baby. I'm a loving when you have, baby. Oh Lord, bust a wine for me, dilly like a bike round the corner. Pump pack a cup, yeah the right sweet jam. If you love the right, me turn it up like a sauna. Hold up on my body. Set it, broke off my back, yeah. Set it, waistline a world, no. Set it, hold on by my body, hold on by my body. You never want me, set it, dress up, set it, roll on, set it, watch out, me, set it. Boy, wind my body, man, I stiff like soldier. Table top, make the booze take you over. Band the pole, you not care if you're sober. Lord, oh Lord, dress love on me, wine. Them love on me wine up, boss. Slow on the pool when me wine. Trust me, I went like a go-go. Pull up on my body and dress, set it. Broke off my back, yeah. Dress, set it. This line I wear, no dress, set it. Pull up on my body, pull up on my body. Love on me, set it. Dress up, set it. Roll on, set it. Watch out, me, set it. Boy. Just the body when I ever that dress I cry for. Body when me ever that them and I cry for. Just the body when me ever. Bust a wine for me, dilly like a bike round the corner. Bum pack a cup, yeah the right sweet jam. If you love the right, me turn it up like a sauna. Pull up on my body and listen, look on my back, yeah. This line I wear no tears. Pull up on my body, pull up on my body. C'est exactement l'enchaînement qu'il faut que tu guettes. Dès que les deux titres s'enchaînent avec un signal entre les deux, tu gagnes ta paire de Nike Air Max. Vas-y, annonce-nous le truc. I know they carry pots like a bullion. Well, if you give me dance, you go chop deep. Baby girl, I got billions. Oh yeah, give me chance, make you drop deep. I should do the Akaida. She said the yo club on fire. We are body big like Bombardia. Alors c'est le bon enchaînement. Mais c'est pas un double hit, y'a pas le signal entre les deux. Yes, guettez bien le signal, il peut débarquer à n'importe quel moment. Avant la fin de l'émission, votre paire de Nike Air Max à votre taille, c'est la rentrée sur Trace. Shocky, shocky, mais c'est Al-Qaïda, baby, dancing for me and up. Shocky, shocky, mais c'est Al-Qaïda, baby, dancing for me and up. Shocky, shocky, mais c'est Al-Qaïda, baby, dancing for me and up. Shocky, shocky, mais c'est Al-Qaïda, baby, dancing for me and up. Shocky, shocky, mais c'est Al-Qaïda, baby, dancing for me and up. Shocky, shocky, mais c'est Al-Qaïda, baby, dancing for me and up. Shocky, shocky, mais c'est Al-Qaïda, baby, dancing for me and up. Shocky, shocky, mais c'est Al-Qaïda, baby, dancing for me and up. She be tryna hold my hand though. Shorty said she wanna do the tango. I did tell her she be fine all the time when she dance. Say you're sweet, it's a mango. So wind up your waist for me, baby. The Al-Qaïda, they drive me crazy. The way you kill a dance, then I rate it. The love your style on the mais c'est mesdames, mais tout pareil pour que puis woman basse sort en ragamuffin. Mais c'est mesdames, parce que ça pas des pour que l'homme pas épaisse en ragamuffin. Mais c'est mesdames, mais tout pareil pour que le milito basse sort en ragamuffin. Mais c'est mesdames, est-ce que ça pas des pour que Amiral t'y basse en ragamuffin. Le mix snap, respect that, the area real black. Ça qui pas connaître, tu pas connaître en patate. Show him respect, everybody boss a shot. Lord up. Beyond nouvelle génération. Il y a un mec, il est revenu physiquement dans la rentrée, mais tu sais, son corps est resté pendant les vacances. Ou alors son cerveau, je sais pas, le bout de ses doigts. Tijo Sound sur Trace, Mada, Guada, Yana. Ah, il est chaud. What you can do? See you with your finger to me, want your finger for me too. Girl, as your finger to me, want me give it to you. Girl, my know you are when you good up. Girl, my know you are when you good up. Bend back, girl, make me show it inna you. Me tired fi hear man a tell me what you can do. See you with your finger to me, want your finger for me too. Girl, as your finger to me, want me give it to you. If you're a real bad man, raise your hand. If you are real bad girl, raise your hand. If you are real gangster, raise your hand. This one is a real bad zone. If you are real bad man, raise your hand. If you are real bad girl, raise your hand. If you are real gangster, raise your hand. This one is a real bad zone. Girl, just look for your man. Wine and go down. Wine like you never, never do. Pan no man, man, look for your girl. Wine and go down. Show what you never, never do. Pan no girl, girl, look for your man. Wine and go down. Wine like you never, never do. Pan no man, man, look for your girl. Wine and go down. Show what you never, never do. Pan no girl. If you are real bad man, raise your hand. If you are real gangster, raise your hand. If you are real bad girl, raise your hand. This one is a real bad soul. Girl, why people are gonna fight over man? Mo pa ke gou ma ke to jis pou nom. To be fait tout aussi ma gri. Voyez to commenter, mais depuis to patach de bad one. Girl, why people are gonna fight over man? Mo pa ke gou ma ke to jis pou nom. Tu peux faire tout aussi ma grille, voyez tout commenter. Mais depuis ton bad dress, mon bad guy. Monsens and bitch, you are the official wife. Yo DJ Tijo Sound, you are the man. Represent for all of the ladies, all of the real wife, you know what I mean. Tijo Sound are the man. Respect for all of the girl them. From Martinique, Guadeloupe, St. Martin, all over them all fucking world. All of the real wifey, Tijo Sound, tell them one thing like that. Real wifey pack a fight over man. Mo pa ke gouma ke to juste pour nom. Mais fais tout aussi ma grille, voyez tout commenter. Mais depuis ton patate, de bad one. Real wife, il pas qu'à fight over man. Mon paquet goût maquette, oh, juste pour nom. Tu peux faire tout aussi ma grille, voyez tout commenter. Mais depuis ton patate, yo, Tijo Sound, man, sales and bitch. You are the number one DJ. Pas speed, moi, savez pas cheer, don't like we. Y'a qu'à parler, parler, ayant que ça yo prof. Mais si yo vin trop proche, moi, même pas qu'est pas des trop. Yo, papa, each, you are the number one DJ. Yo, qu'à snitch, le look of the sun, go like me. Tu peux venir rêver, rêver, doufant, moi, la pote. Mais moi, j'ai dit ça pour pire. Yo, si je sens. Girl, why be back a fight over man? Mon paquet pour ma keto, juste pour nom. Tu peux faire tout aussi ma grille, voyez tout commenter. Mais depuis ton patate, de bad one. Girl, why be back a fight over man? Mon paquet pour ma keto, juste pour nom. Tu peux faire tout aussi ma grille, voyez tout commenter. Mais depuis ton patate, mon bad guy. C'est mon amant de rond. La tête en déter, sont la tête en déter. Appuyés, sont la tête en déter. Sont la tête en déter. Pas craquer. Sont la déter, sont la déter. Appuyer son la déter déter. Son la déter déter. Pas crack. Fesse qu'a applaudi. Tete qu'a applaudi. Chop qu'a applaudi. Coupé ma déclaudi. Basta résonné. Chatte la camiole. Femme à la tête qu'a glissé côté yol. Le gars a une yule de sa tête. C'est nul. C'est nul. Son la déter déter. Son la déter déter. Gardez-en un petit petit jeu pour tout à l'heure. 0820-203-200 également sur le net, www.trace.fm. Un petit jeu sound, un DJ, vous réclamez vos titres. Hashtag G97, @TraceFM également. 0820-203-200, la radio est libre. Sur le mix, toute la semaine. Sur les titres que vous réclamez, mais également sur le talk, sur le délire aussi. On va délirer dans un petit instant, Hugo, annonce-moi ça. Le soir, tu peux tout nous dire, tu peux tout nous dire. TraceFM, génération 97. Génération 97. C'est fait pour toi. On revient avec du sexe confessionnel tout à l'heure, on parlera de quoi les filles? De sexe pendant les vacances. Sexe pendant les vacances. C'est-à-dire? Eh ben, les différentes pratiques, ce qu'on a pu faire, ce qu'on aurait voulu faire, avec qui on aurait voulu le faire. Ceci est un est réservé à un public averti. Restez avec nous, ou alors allez vous coucher si vous êtes trop petit. D'ici là, on va passer au c'est qui, parce qu'on a des cadeaux. Ah ouais, tant qu'à faire, ouais. On a pas mal de cadeaux, donc on va s'en débarrasser un petit peu. C'est effectivement une très, très, très, très bonne idée. Des indices. Une personne connue. Star locale, nationale ou internationale. Le premier qui a la bonne réponse repart avec les cadeaux au 0820-203-200. Je suis né en 1986. Déjà, j'ai l'impression qu'avant 2000, il s'est rien passé pour Sabri. Ah ouais, waouh. Ah putain, c'est pas tu les aimes aussi. Ça y est, Jurassic Park. Il est né en 86. Je suis le fils d'un batteur. Ma fortune est estimée à environ 75 millions de dollars. Ah ouais, quand même, il est intéressant. 86. Fils d'un batteur. 80. Combien? En 86. Ah, et 86 millions de dollars, c'est ce qu'il pèse. Non, 75. Ah oui, tu parles, on parle de 1986 et 75 millions de dollars. D'accord, ok, excuse-moi, ouais. J'ai... Ok, enfin, en même temps, à peu de choses près, même s'il est né en 75 et qu'il pèse 86 millions de dollars, ça le fait aussi. Il est bon. Donc le mec est né en... Ouh, la nana, d'ailleurs, est né en 86. Oui. 75 millions de dollars, c'est la fortune personnelle de cette personne. Oui. Fils d'un batteur, c'est donc un mec qu'on recherche. On attend vos propositions. 0820-203-200. Vous vous déclenchez, vous avez peut-être quelqu'un en tête, vous nous le proposez en direct. 0 820 203 200. D'ici là, on vous prépare un petit truc également au standard de Génération 97. On a, comment dirais-je, flirté sur les réseaux de rencontres pendant les grandes vacances. Mm-hmm. Explique-moi ça, Hugo. Alors, je suis allé sur des sites de rencontres un petit peu chauds. Je me suis fait passer pour une certaine Sarah qui parle avec comme grand ça. Plaisir, avec grand plaisir, non? Non, non, pas vraiment. Non. Ah, ça, c'est toi, ça, c'est toi. Le professionnel, tu sais. Genre, faire ça. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Vous jugerez par vous-même quand Hugo devient Sarah. Est-ce que c'est bien? Non, j'avoue que je m'éclate. Non, mais c'est marrant. Tu chauffes les gars. Donc, j'ai fait ça par message. J'ai essayé de les appeler aussi. Mais non, mais pour ça l'émission, t'est marré, les gars. Tu chauffes les gars? Oui. Pour le délire. Ah. Sabri, alors Sabri, je sais pas pourquoi tu rigoles comme ça, parce que t'as eu l'occasion de le faire. On les a appelés les cocoteurs ou les cocoteuses. Et tous les soirs, en fait, Hugo se propose en fait de connecter avec certains d'entre eux. Il a créé un profil. On ne vous dira pas le nom de son profil d'ailleurs, parce que pour approcher les cocoteurs ou les cocoteuses, eh ben, qu'est-ce qu'il en a mis? Qu'est-ce qu'il a mis du sien? Mmh. Il s'est dévoué, il s'est offert à la radio. On écoutera ça dans un petit instant, juste après ça. Trace FM. En ce moment, Trace FM te sape pour la rentrée. Cette semaine, ta radio t'offre ta paire de Nike Air Max. Ta paire de Nike Air Max. Toute la journée, dès que tu entends ça. Et ça. À la suite. Appelle-nous au 0820 203 200.

to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. To me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. To me, I be work, work, work, work, work, work. Partir en dancehall sur la prochaine session. Génération 97 désormais, DJ en live toute la semaine. Il attend que tu réclames tes titres préférés. 0820 203 200. Il s'appelle Tige Sound. Il est à votre disposition dans la Trace Station. 0820 203 200. Hashtag G97, hashtag Trace FM pour tous ceux qui sont avec nous derrière la radio. Où que tu sois, Mala, Guada, Yana, c'est la rentrée de G97. Une chose est sûre, le soir tu n'as plus le choix. 3 heures de libre expression. Génération 97, la plus grosse libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM. T'attends quoi? Débarque, débarque au 0820 203 200. On a du c'est qui dans la radio? Oui, je suis né en 1986. Je suis le fils d'un batteur. Ma fortune est estimée à environ 75 millions de dollars. Qui suis-je? On a qui? Alors... qui nous rejoint du côté du standard? J'ai pas compris. Wendy. Ah merci. J'aime bien maintenant, même le standardiste, il est un stagiaire. C'est un truc de dingue. Et le pire, c'est que normalement le standardiste, il devrait mettre son stagiaire derrière le téléphone. Ouais. Non, c'est le stagiaire qui parle à la place du mec qui est en poste. Wendy, au téléphone. Bonsoir Wendy. Salut Wendy. Bonsoir. Salut. Wendy, quelle est ta réponse? Drake. Tu penses à Drake? Alors pourquoi ce serait Drake? Parce que j'ai été chercher sur Google. D'accord. Wikipédia qui m'a dit ça. Non, j'ai cherché avec... Bon, j'ai envoyé une de mes copines qui est forte dans ces trucs-là. Et elle m'a dit, en fait, qu'il fallait regarder la photo sur Facebook et qu'on voit que c'est lui. Il y avait un indice, effectivement, sur les réseaux sociaux. Tu connais la règle du jeu ou pas? Bonne réponse, tu repars avec les cadeaux. Mauvaise réponse, c'est toi qui nous donnes un cadeau. Mmh. Et en ce moment, on a tellement envie de l'iPhone 7. Ah bon, moi aussi. On a du monde qui nous rejoint du côté du standard. Bouge pas, Wendy. On va voir dans un petit instant si tu nous offres l'iPhone 7. L'iPhone 7. Steph, bonsoir. Bonsoir. Hello, hello. Toi, tu penses à qui, Stéphanie? À Drake. Vous pensez toutes les deux à Drake? Oui, si. C'est bien. Oui. Si on gère bien, les gars, on a peut-être deux iPhone 7. Une troisième personne peut-être pour un iPhone 7 S Plus ou 7 Plus S, je sais plus trop quoi. Vous êtes certaine? Vous mettriez votre main à couper? Pour vous, oui, c'est Drake, il n'y a aucun doute là-dessus. Bien sûr. Sûre et certaine. Presque sûre et certaine. Eh bien, c'est bien Drake. Ouais. Putain, c'est incroyable. À un moment, je me suis senti, tu sais, oppressé comme dans Qui veut gagner des millions, tu sais. Vraiment, quand Tessie a fait, eh ben, c'est bien Drake. Ça te va bien la petite voix masculine, tu sais, pleine de testostérone. C'est la bonne réponse, les filles. Vous bougez pas, vous raccrochez pas. On va se dépatouiller de tout ça avec les cadeaux. Normalement, c'est a priori la première qui a appelé, hein, qui a donné la bonne réponse, qui repart avec. On fait des bisous. À bientôt pour un autre c'est qui ou autre chose dans Génération 97. Vous savez déjà. Ok. Bye bye. Bonne rentrée. Et hey, comment ça se passe d'ailleurs la rentrée pour vous? Super pour moi. Ouais. Ça se passe bien. Ouais. Alors attends, qui fait quoi? Wendy, tu fais quoi cette année? Une licence de créole. J'ai pas compris. Une licence de créole. Fuche que tu aimes. Pour le faire bon. Quoi plus tard? Pour injurier les pour gens. Pour travailler dans les touristes. Pour devenir prof de créole, c'est ça? Non, pour travailler dans le tourisme. Ah oui, c'est très important quand l'Américain arrive et se fait. Alors, Montevideo, nous comptons Wazot. Nous comptons Wazot. Et c'est quoi la chanson? Attends, c'est quoi encore la chanson? Combien moon? Non merde, How many people? Et toi, tu fais quoi, Steph, cette année? Je suis en première ST2S. Wow. ST2S. T'as pas demandé ta plaque d'immatriculation. Vas-y, explique à ceux qui n'ont pas été à l'école depuis un petit moment que genre ça brille. À part pour récupérer éventuellement. Et un petit bisou à ta copine. Bref, ST2S c'est quoi? En fait, c'est sciences, du technologie, du santé et du social. En fait, j'ai fait cette filière pour être secrétaire médicale plus tard. Secrétaire médicale. Putain. Incroyable. C'est-à-dire que c'est toi, la nana, qu'on devra appeler pour avoir un rendez-vous, c'est ça ? Voilà. On peut faire une petite répétition, tu sais, on va te projeter dans l'avenir. Bonjour madame. Bonjour. Je voulais vous dire, j'ai une grosseur au niveau du testicule gauche. Oh putain. Je veux voir le médecin, c'est urgent. Normalement c'est normal, c'est la testicule droite. Madame, je ne vous permets pas de rigoler de ma situation. Mais excusez-moi, mais... Quand est-ce que je vais pas voir le médecin? Il est encore en train de faire du ski au du ski nautique au Canary. C'est son droit, hein. Non mais, pourquoi il est pas là aujourd'hui, hein? Il est en train de défiscaliser sur ses appartements dans le centre-ville. Où est le médecin, madame? Je vais lui parler tout de suite, madame. Il est pas là. Il est pas là. Bon, écoute, j'ai proposé un rendez-vous, je sais pas. Tu recales. Ouais, je sais pas, tu es pas encore prête, hein. Continue à apprendre à l'école. On te fait des bisous, ma belle. Ciao, ciao. Bon courage, Wendy. Salut. Bon courage, Stéphanie. Bisous, les filles. Dans un petit instant, on va piéger ce qu'on appelle les cocoteurs ou les cocoteuses. Les cocoteurs ou les cocoteuses, en général, aiment bien avoir recours au site de rencontre. On s'est créé un profil avec Hugo sur les sites de rencontre et Hugo se propose de faire plusieurs personnages juste pour voir ce que les cocoteurs ont dans le slip. Et quand un cocoteur te dit... Ben oui, mais je peux pas sortir ma queue devant les autres, hein, je préfère te la réserver. On se dit que cette rubrique a de l'avenir. Restez avec nous dans un petit instant, on appelle les cocoteurs. D'ici là, il y a d'autres breaking news qui débarquent. 0820-203-200, également sur le net, www.trace.fm. On parle de quoi, Sab ? Dans quoi ? Dans les breaking news. Dans les breaking news. On va parler football. Demain, il y a le match entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Et surprise, Hatem Ben Arfa ne figure même pas sur la liste des joueurs qui pourront jouer le match. Ben c'est parce que la personne n'a pas pu l'écrire correctement sur la liste des joueurs. Attends, l'entraîneur, il s'appelle Unai Emery. Franchement, vu ah, franchement, c'est pas sympa. Franchement, ouais. Honnêtement, il aurait pu apprendre. Ah ouais. Il aurait pu apprendre à écrire. Quoi d'autre ? Oui, alors on va parler des députés qui ont réclamé des quotas de zouk. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Alors, en fait, visiblement, c'est un projet de loi qui viendrait particulièrement de Victorin Lurel. En fait, l'idée, ça serait d'imposer à tous les médias qui peuvent diffuser de la musique 4%. Oui, 4% de chants. Alors, ça peut être des chants créoles, mais ça peut être aussi des chants corses. Il faut que c'est les langues régionales. Ah, voilà. Il faut que ce soit 4% de musique régionale. Alors, c'est vrai que quand on regarde la France, il n'y a pas que nous qui soyons un petit peu différents de ce qu'on écoute parfois en métropole, même s'il y a plein de choses sur lesquelles on se retrouve. Mais il y a les Corses aussi. Il y a les Bretons. Ouais, il y a les Seychelles. Oui, non ? Non. Non, pas les Seychelles. Ok. Il y a les Réunionnais. What String Color ? Tu vois, par exemple. C'est du créole aussi. C'est du créole aussi. Bon, d'accord, ok. 4%, ça, est-ce que ça vous choque d'imaginer une radio ou une télé demain dans laquelle il est obligatoire en fait d'avoir 4% de musique entre guillemets locale ? À partir du moment où il y a une obligation dans une radio, c'est plus la liberté quoi. C'est ça. Moi je voulais. Ouais, mais il y a des fois où. Il y a des minorités qui sont tellement pas là que t'es obligé de légiférer. De forcer un peu le truc. Ouais, voilà. Je veux dire, à part Kalash à l'heure actuelle, quel artiste local ou même de la Réunion qu'on peut inclure, pourrait éventuellement retrouver sur la scène nationale. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a eu Chris à un moment donné, il s'est fait descendre. Alors, attention. 4%. Alors, c'est vrai que nous, on n'est pas forcément directement concernés parce que c'est vrai qu'aux Antilles-Guyane, on joue rien qu'en jouant J&I King, par exemple, Kalash, ou éventuellement Kérosène, à un moment ou à un autre, ces 4%, tu les as bien dépassés. Ouais, non, largement dépassés. Mais c'est vrai que par contre, à l'inverse, ça nous ferait peut-être du bien en métropole, par exemple, sur des radios nationales, d'avoir des artistes locaux qui seraient diffusés. Ça pourrait le faire. Ouais. Bon, à partir du moment où ça ne profite pas qu'à la compagnie créole, parce qu'il y a des chances aussi. Il y a Francky. Je pense que les gens sont passés à autre chose. Parce qu'en fait, le vrai cœur du débat, quand on y réfléchit, vous le savez tous, Kalash a fait un disque d'or. Okay, il semblerait, moi j'y suis pas allé depuis très très longtemps en métropole, mais toi tu y as été pendant les grandes vacances. Ouais. Est-ce que tu entends beaucoup de Kalash en fait à la radio ? Ouais. quand même. Pas beaucoup, pas à la radio, mais dans la rue, les gens écoutent du Kalash. Alors, voilà. La vraie question, c'est sur les médias, en fait, en métropole. Sur TF1, c'est sûr que t'entends pas Kalash. Non. Sur. Si, il y a des tentatives d'attentats. Oui, tu entends les Kalachnikov, d'accord, ok, bref. Donc il y a. J'ai éjecté ma blague comme ça là. Oui, j'ai éjecté ta blague comme ça. Fiap. Tout ça pour dire, en fait, concrètement, t'as l'impression aujourd'hui que par exemple les musiques locales sont suffisamment locales pour nous, hein, les musiques, hein, mm-hmm. Mais est-ce qu'elles sont suffisamment représentées dans l'Hexagone? Ben, je trouve de plus en plus. Parce qu'il y a même des radios parisiennes, je pense à Move par exemple, qui diffuse du Kalash qu'il ne faisait pas avant. Moi, je dirais que j'ai un pote qui est allé à Barcelone cet été. Il m'a dit que les vendeurs de magasins s'enjaillaient sur le Kebendo de Kalash. Moi, j'ai rencontré un Israélien qui est capable... Il parle pas un mot de français, le mec. Hein. Pas un mot de français, mais il sait chanter Pépinière Freestyle. C'est un truc de dingue. Hein. C'est parfois impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, la musique, la vibe transcende le langage. Okay, on est d'accord que c'est pas le créole est pas maîtrisé par tout le monde. Mais c'est vrai que aujourd'hui, Kalash, en étant disque d'or... Pourquoi il serait pas diffusé? Je sais pas pourquoi. Bon, peut-être que c'est peut-être pas forcément le meilleur plateau pour être accueilli par Ruquier ou Patrick Sébastien. Mais en même temps, ça pourrait arriver. Hein. Alors, est-ce que cette loi va aider quoi que ce soit ou quelque chose à bouger? Cette loi-là va pas forcément aider Kalash parce que Kalash a percé sans cette loi-là, mais ça pourrait aider à voir d'autres artistes arriver sur la scène nationale. Et tu trouves que Kalash, en toute honnêteté, il est suffisamment établi en métropole? J'ai pas l'impression. Hein. Non, mais à l'heure actuelle, là, ça fonctionne bien pour lui. Cette loi-là pourrait permettre qu'on le voit encore plus, mm-hmm. Ou peut-être qu'on ne voit que lui. Mais en tout cas, ça pourrait permettre, je sais pas, dans deux ans, qu'il y ait des artistes d'ici qui percent là-bas, et puis peut-être à un moment donné aussi qu'ils vont reconnaître les musiques locales comme la dancehall ou même le souk, parce que quand on regarde les grandes salles parisiennes, il y a Kassav qui les remplit encore. Ouais. Ouais. Donc c'est la communauté anti-guyanaise qui va voir Kalash, c'est pas pareil, mais la communauté anti-guyanaise, elle consomme aussi à Paris, à Montpellier, oui, à Toulouse. C'est pas tout à fait exact parce que en fait moi je rencontre pas mal d'artistes et effectivement, il y en a qui font du zouk, il y en a qui font du reggae, il y en a qui font du R&B par exemple, il y en a qui font du dancehall et souvent ils te disent que leur public ressemble pas forcément au public de leur pays. C'est-à-dire qu'il y a quand même vachement de gens qui sont sensibles à la culture entre guillemets et puis la planète se tropicalise, on peut dire merci ou merde à Major Lazer, mais la planète entière se tropicalise à un moment ou à un autre. C'est vrai. Et Kassav, j'en parle encore, ils étaient en concert aux États-Unis ce week-end. Aux États-Unis? Aux États-Unis, ouais. À Miami? Non, pas Miami. Parce que ça compte pas, Miami. Miami. Non, c'est Miami, Miami, c'est plus. C'est pas encore. C'est pas complètement les États-Unis. C'est pas Miami, mais pas loin de New York. Mais c'est-à-dire que moi, je pense que cette loi-là va avantager les artistes à partir du moment où eux-mêmes savent s'entourer. Parce que Kalash, il a su s'entourer. Je dis pas que les artistes comme. Moi, je sais pas. J'aurais pas mis Kalash et Sus dans la même. Tu prends tes responsabilités. Kalash a su s'entourer. Je sais pas qui est s'entouré, mais à un moment ou à un autre, tu vas avoir des problèmes, mec. 0820-203-200 également sur le net, www.trace.fm. C'est une loi qui est censée rendre possible, rendre obligatoire en tout cas que certaines cultures soient mieux exposées que d'autres. Est-ce que c'est une avancée? Est-ce que ça va changer quelque chose? Vous en pensez quoi? C'est peut-être simplement un argument supplémentaire de campagne électorale de je ne sais qui. 0820-203-200 également sur le net, www.trace.fm par texto. Vous envoyez trace suivi de votre message au 97 000. On s'enchaîne un petit Gypsian avec Jiggle. Et puis on revient avec Hugo, qui teste les cocoteurs et les cocoteuses. Si tu es inscrit sur un site de rencontre, c'est peut-être toi qui es au bout du fil. Tu es patron, tu es collègue, tu es copain, tu es pote, tu es une copine, tu es une chaudasse. Il t'a peut-être eu au téléphone, restez avec nous pour découvrir de quoi il s'agit. En tout cas, il y en a un qui était prêt à sortir son zizi. Je dis ça, je dis rien. Ben oui, mais je peux pas sortir ma queue devant les autres, hein. Je préfère te la réserver. La suite, c'est dans un instant dans Génération 97, on revient juste après ça. A tout de suite. Trace FM et Soulground. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. DigiLife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif Métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrée. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Resteller est à même de vous proposer. Rendez-vous chez DigiLife, centre commercial d'Estreland et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à condition. Lundi 26 septembre, c'est ton rendez-vous du mois. 97 People. Et Trace Urban t'a concocté une émission spéciale vacances.

Bref, qu'on Pepsi. Aïe, gal, ou fais-moi changer lexique. Wine, gal, moi, ça me qui joue flexible. Crise d'épilepsie. Soul. Hey, gal, t'as combien de foot, t'as combien de foot. Je vois, mais oh, y'a pas de loup. Y'a des gommes qui combattent, qui tapent, qui m'y n'ont gal. Et donc, nous êtes. Pour réclamer tes sons également sur les réseaux sociaux. Hashtag G97 à Trace FM. Du sexe confessionnal se prépare dans la Trace Radio. Oui. On parlera des amours de vacances. Oui. Sont-ils ça. Tous au courant que c'est voué à l'échec? En tout cas, si tu espères quelque chose qui dure dans le temps. Somebody say. Oula. Le soir. Génération 97. Personne peut tester. Génération 97. Sur Trace FM. On s'est donné une mission dans Génération 97. On s'est donné une mission en fait de révéler. Révéler qui sont les vrais gens. Qui sont les gens qui sont au naturel. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, en fait, on fait souvent en fonction des gens qui nous regardent, des gens qui nous écoutent. Et on a découvert qu'il y a une population en fait qui a des besoins, a des envies, se crée un profil sur un site de rencontre. Et ces gens-là, on les a appelés les cocoteurs. Quand c'est des femmes, on les appelle des cocoteuses. Ces gens-là sont très intéressants parce qu'ils ont une conversation super fleurie, en fait. C'est clair. Ils sont chauds du slip. Mm-hmm. Et en fait, Hugo s'est proposé gentiment, hein, il s'est sacrifié la première semaine de l'émission. Le mec s'est tiré une balle dans la jambe, bacha, etc. Nous avons créé un site. Un profil sur un site, sur plusieurs sites de rencontres, et nous sommes à la chasse aux cocoteurs. Quand Hugo se fait passer pour la chauffeuse de service et le cocoteur est au bout du fil, voilà ce que ça donne. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, attends deux secondes. Allez, je t'écoute. C'est Sarah. On s'est parlé par message. Je te dérange pas? Non. Ben, j'étais au bureau, là, mm-hmm. à mon bureau. Uh-huh. Alors, parle-moi un petit peu de toi. Ben, je t'appelle parce que la discussion qu'on a eue tout à l'heure, là, par message, ça m'a mis dans tous mes états. Pas toi? Là, je pourrais te dire pas spécialement, puisque j'étais à mon bureau avec du monde. Uh-huh. Puisque je recherche effectivement quelqu'un qui pourrait partager plein de choses avec moi. Uh-huh. Déjà voyagé dans des endroits vraiment très sélects. Hein. Uh-huh. Je dois partir à Miami, à Dubaï. Uh-huh. Est-ce que tu aimerais découvrir de nouvelles destinations, comme ma partie intime? Pas. Voyager dans ta partie intime? Ah. Est-ce que j'aimerais voyager dans ta partie intime? Tu ne peux pas savoir comment. Ah. Tu as l'air quand même d'une bonne vivante. Mais je trouve que tu as l'air moins chaud que par message. Pourquoi? Ben oui, mais je ne peux pas sortir ma queue devant les autres. Hein. Je préfère te la réserver. Ah ouais, il faut qu'on se voit. Ah, voilà une idée qu'elle est bonne. Ça te plaît? Ah oui, énormément. Ah. Tu es sérieuse? Oui. Oui, je suis sérieuse. Est-ce que tu as des accessoires? Est-ce que j'ai des enfants? Non, est-ce que tu as des accessoires? Des godes? Oh, ça, pour ça, j'en ai un beau, hein. Ah, on pourra échanger les rôles. Alors, je serai le mâle, tu seras la femelle. Ah, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas trop habituée, si ça vaut le coup. Tu es partante. J'ai une question très importante, mais elle est indiscrète. Est-ce que tu aimes le pain? Est-ce que j'aime le pain? C'est quoi ça? Oui, je mange bien le pain. Non, mais en fait, je te demande ça parce que ça m'arrive de me faire plaisir avec des baguettes de pain. Waouh! Ah, tu dois être une chaude, hein, toi. Ah ouais, chaud patate, je suis toute mouillée, là. Moi, j'aime les femmes qui mouillent beaucoup. Mm-hmm. Je suis une femme fontaine. C'est pas vrai. Je suis une femme fontaine. Sérieux? Oh là là là là là là là là. Ah, tu vas même te noyer dans ça. Oh ya ya ya, je kiffe ça, mais grave. J'ai un surnom. On m'appelle les chutes du Niagara. Oh. Du Niagara. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Ben, je pense que ça vaut le coup qu'on se rencontre. Ah ouais, j'avoue. On fait quoi? On se voit ce soir? Ben, on se voit ce soir, je t'attelle. Tout de suite, hein? Ok, tu as mon numéro de téléphone. À tout à l'heure. Bisous. Bisous, bye. On le laisse mijoter, on le rappelle demain? Ouais, je pense, hein. C'est un bon client. Oui. La suite au prochain épisode. 3 heures de libre expression. Génération 97. La plus grosse libre antenne des Antilles, Guyane, sur Trace FM. Eh, comme toutes les séries, il nous faut un générique, tu sais. Les cocoteurs et les cocoteuses. Vous êtes inscrit sur un site de rencontre, vous n'êtes pas à l'abri. Hugo se fait un plaisir de remplir tous vos fantasmes. 0820-203-200. Tiens, autour de toi, t'as un cocoteur ou une cocoteuse. Donne-nous son numéro de téléphone volontiers. D'ici là, hey, DJ, la gay. On revient avec du sexe confessionnal dans un petit instant sur Trace FM. Aïe aïe aïe. Arriba, le sexe confessionnal. A tout de suite dans Génération 97, c'est la rentrée. Mada Guada, y'en a une chose est sûre, le soir vous n'avez plus le choix. Ici c'est la libre antenne des auditeurs. Me gusta la chapa que suena placata, placata, placata, placata, placata. Me gusta la chapa que suena placata, placata, placata, placata, placata. Mueve el mami, yo la cuento en meneo. Rompe que estoy. playa activo con mi guineo. Dale, dale, que ya salió del pantalón. Ponte así, ponte así, ponte por posición. Mueve, muévelo, mami, chula con tu meneo. Rompe, rompe, que estoy activo con mi guineo. Dale, dale, que ya salió del pantalón. Ponte así, ponte, ponte posición. Menea tu chapa, cha, chapa, tu chapa, cha, chapa, tu chapa, cha, chapa. Menea tu chapa, cha, chapa, tu chapa, cha, chapa, tu chapa, cha, chapa. Menea tu chapa, cha, chapa, tu chapa, cha, chapa, tu chapa, cha, chapa. Menea tu chapa, cha, chapa, tu chapa, cha, chapa, tu chapa, cha, chapa. Menea tu chapa, así, estilo sensual. Chap, chap, así, estilo sensual. Menea tu chapa, así, estilo sensual. Estilo sensual, estilo sensual. Ah, ah, ay. Me gusta la chapa que suena plácata, plácata, plácata, plácata, plácata. Me gusta la chapa que suena plácata, plácata, plácata, plácata, plácata. Muévelo, mami, chula con tu meneo. Rom, rompe, que estoy activo con mi guineo. Dale, dale, que ya salió del pantalón. Ponte así, ponte, ponte posición. Muévelo, mami, chula con tu meneo. Rom, rompe, que estoy activo con mi guineo. Dice que no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque no da la talla. No sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque él no es competencia. Por eso no hay motivos para yo irrespetar. No. Sexy and I know it. Before I die, I, just give me where you never give nobody, don't be shy. I,